leurs opérations. Résultat, des polluants ont été détectés sur les bracelets et notamment des retardateurs de flamme. Les retardateurs de flamme, c'est des produits qui sont utilisés dans les mousses de vos canapés, dans les plastiques, des jouets, dans votre voiture. C'est des choses qui servent normalement à retarder la propagation du feu. C'est une bonne idée à l'origine. Le problème, c'est que non seulement c'est inefficace, mais en plus c'est très toxique. Neurotoxiques et cancérigènes, ces retardateurs de flamme libérés par les fumées ont aussi été retrouvés dans les analyses de sang pratiquées sur les pompiers. Stéphane Morisot vient de prendre sa retraite et il vient aussi d'apprendre qu'il souffre d'un cancer de la prostate. Il défend des mesures de protection toutes simples, car les pompiers sont aussi contaminés par la peau. Tout ce dont on dispose pour la phase active est très efficace, c'est en amont et après l'opération qu'il faut modifier entre autres nos process. On va prendre des paires de gants nitriles pour éviter le contact de la peau avec tous les équipements que l'on peut toucher, changer de cagoule à chaque opération de lutte contre l'incendie, se doucher le plus rapidement possible au retour en casernement. À la tête de son association, Stéphane Morisot veut sensibiliser ses collègues pour qu'ils se protègent des fumées toxiques. Il réclame aussi un vrai suivi, des études chiffrées et la reconnaissance de plusieurs cancers comme maladie professionnelle chez les pompiers. Anne Lordanier, et signalant que ce numéro du magazine Vert de Rage sera diffusé sur France 5, donc au début de l'année prochaine. Bonjour, colonel Norbert Bergigna. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et médecin-chef du service de santé et de secours médical dans le département de la Manche. Quel type de cancer apparaissent chez les pompiers? J'ai lu la vessie, la plèvre, ça peut être très varié finalement? Alors, c'est comme disait votre reportage, quelque chose qui est assez récent au niveau de l'épidémiologie, mais comme je disais aussi, depuis 2003, on se penche dessus. En fait, on veut tous accéder aux nouvelles technologies, et puis certaines sont indispensables avec le changement climatique, avec, on parlait des retardants dans les mousses, et tout ça, ça engendre des nouveaux risques. Ces nouveaux risques, eh ben, il faut les prendre en compte, il faut changer nos méthodes opérationnelles, et ça, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Maintenant, il n'y a pas d'études très spécifiques, mais on sait que au moins deux cancers en France doivent être reconnus comme maladies professionnelles, c'est des cancers du poumon un peu spécifiques, et des cancers de vessie, comme vous dites. Alors parlons de ce combat-là, de la reconnaissance comme maladie professionnelle. Il y a une agence de l'OMS, le Centre international de recherche sur le cancer, qui a fait officiellement le lien entre cancer et exposition des pompiers. Ça donne de l'espoir dans ce chemin qui, j'imagine, est long vers cette reconnaissance officielle? Alors, oui, bien sûr, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est la reconnaissance en maladie professionnelle, c'est bien, le traitement, c'est bien, mais surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de s'empoisonner et donc protéger ceux qui nous protègent. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, les techniques mises en œuvre sont différentes. Avant, on ne mettait l'appareil respiratoire que pour les phases d'attaque, c'est-à-dire quand il y avait des flammes et tout ça. Et maintenant, c'est obligatoire depuis quelques temps qu'on utilise ces appareils respiratoires individuels. Hein, c'est le masque et puis qu'on voit chez les pompiers avec la bouteille d'air derrière. Ces appareils-là sont obligatoires aussi pendant la phase de débris parce qu'on s'est rendu compte avec les études épidémiologiques, que ces matériaux qui étaient encore brûlants relarguaient des produits chimiques et des produits potentiellement dangereux. Et c'est pour ça aussi que on a mis en place, après les interventions, de reconditionnement de l'homme, ce qu'on appelle reconditionnement de l'homme, c'est-à-dire que les gens, les pompiers n'apportent pas dans leur caserne, mais aussi parce que vous savez que 80% des sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires, donc qui rapportent pas chez eux ou sur les lieux de leur travail des matières toxiques. Et donc ça passe par les douches, les cagoules à changer. Voilà, un déshabillage sur les lieux d'intervention avec des camions spéciaux, lavage des mains, des visages. Et après aussi, un lavage spécifique des vêtements pour pas que ces vêtements-là puissent recontaminer nos sapeurs-pompiers. Pour l'instant, c'est de l'ordre de la recommandation qui est faite aux pompiers, où il y a une obligation et des vérifications qui sont faites régulièrement, que ces mesures sont bien réalisées. Alors, là, comme dans tout système de prévention, quand on a quelque chose qui est possible à mettre en place, on doit le mettre en place. Maintenant, vous savez que les services départementaux sont des établissements indépendants et en fonction de leurs possibilités, ils mettent en place progressivement, mais maintenant, quand même, on attend beaucoup de départements, ce système de mis en place ou qui va être mis en place. Et par ailleurs aussi, on suit les agents de façon plus attentive, d'abord par une visite médicale, puis aussi le service de santé est présent lors des feux importants, et après un suivi post-expositionnel, c'est-à-dire un suivi de nos personnels après les interventions avec des questionnaires et des examens spécifiques. Une urgence sanitaire, ne serait-ce que, presque cyniquement j'allais dire, pour éviter une crise des vocations, alors que vous représentez un besoin immense. Oui, mais alors là aussi, il faut peut-être mettre en parallèle ces risques-là et avec d'autres risques. Hein. Le métier de sapeur-pompier est risqué. Et il faut éliminer maximum possible ces risques par les mesures que je vous ai préconisées. Et on a bon espoir que ces mesures-là, quand même, évitent les cancers. C'est des cancers qui se révèlent très longtemps après. C'est pour ça qu'il faut faire un suivi. Et c'est pour ça qu'on les voit maintenant aussi par rapport à des expositions qui peuvent avoir eu lieu il y a 20 ou 30 ans. C'est pour ça qu'il faut un certain suivi et que le suivi sera fait très longtemps. Mais maintenant, avec ces mesures, on a quand même bon espoir que ces cancers ne se produisent pas chez les gens qui vont être exposés. Merci, colonel Norbert Berginia, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur. On peut aussi le transmettre. France Info, 14h-17h, Augustin Arrivé. 16h20, le Fil Info, Laurent Doulsan. On vient de l'apprendre, la chercheuse franco-iranienne Farida Adelka est de retour en France. C'est son comité de soutien qui l'annonce cet après-midi. Farida Adelka était détenue en Iran depuis 4 ans. Autre info de dernière heure, l'Elysée annonce le report de la visite d'Emmanuel Macron en Suède. Décision prise en accord avec les autorités de Stockholm après la mort de deux ressortissants suédois dans le récent attentat de Bruxelles. Sur fond de conflits au Proche-Orient et de menaces terroristes en France, les alertes à la bombe se multiplient. Des alertes qui ont conduit à l'évacuation temporaire de plusieurs aéroports français, ceux de Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Beauvais ou encore en dernier lieu de Biarritz et Strasbourg. Même scénario au château de Versailles pour la troisième fois depuis samedi dernier. Le ministère de l'Éducation nationale revoit à la hausse son bilan des incidents constatés pendant la minute de silence, observé lundi en hommage au professeur assassiné par un terroriste à Arras. Il donne cet après-midi le chiffre de 357 incidents contre 179 auparavant. Joe Biden croit à la thèse israélienne sur le bombardement d'un hôpital de Gaza hier soir. Le président américain qui a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Tel Aviv estime que la frappe semble être le fait de la partie adverse, donc des Palestiniens. Il cite aussi des données américaines qui vont selon lui dans le même sens. France Info. C'est C'est aujourd'hui la première réunion de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Emmanuel Macron y participe, c'est soutenu par le Programme alimentaire mondial. Et l'objectif, c'est entre autres que tous les enfants du monde accèdent à des repas à l'école. Bonjour Guillaume Delceau. Bonjour. Vous êtes cuisinier scolaire, nous allons parler de ce métier dans ce France Info Junior. Vous avez un pseudo pour qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Insta, YouTube et compagnie. Il faut chercher le cantinier. Guillaume le cantinier. Les élèves qui vous posent des questions aujourd'hui, ils vivent au Maroc, à Fès, en 6e au collège Jean de la Fontaine. Et nous commençons avec Jod. D'où vous viennent les idées des plats que vous préparez à la cantine? Il y a une illumination. Alors... les menus et les plats en général qu'on choisit, c'est en fonction de nos expériences, de nos voyages, de nos imaginations, mais surtout on se doit de respecter le plan alimentaire et nutritionnel recommandé par le GEMRCN. Alors c'est le groupement d'études des marchés pour la restauration collective et nutrition. Alors, en fait, il faut vraiment proposer aux élèves des plats qui sont équilibrés et diversifiés. On peut pas, par exemple, cuisiner des pâtes ou des frites tous les jours. Ça favoriserait entre autres l'obésité. Et puis il y a des prix aussi, j'imagine qu'il faut des tarifs à respecter. Il y a aussi des tarifs, des conditions budgétaires à respecter. Et aussi, on est aussi conseillé dans le choix des menus par des diététiciennes, voilà, qui nous aident à composer les menus en fonction aussi des saisons, évidemment. Une question de Rallye. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que les plats de la cantine sont surgelés? Alors ça, c'est une très bonne question. Eh ben, tout dépend du nombre de cuisiniers, du matériel disponible et des choix budgétaires des collectivités, comme la mairie pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Il faut savoir que pour bien faire à manger dans une cantine, il faut au moins un cuisinier pour 125 élèves. En dessous de ça, ça va être compliqué. Alors c'est pour toutes ces raisons que très peu de cantines ont les moyens de faire du 100% fait maison. Et à l'opposé, très peu, j'ose espérer, font du 100% surgelé. On est toujours dans un mix des deux. Là, par exemple, moi, où je travaille, on est à 80% de fait main le matin même. On travaille les produits frais. Par exemple, on va cuisiner des petits pois surgelés, mais on va y mettre des carottes fraîches et des oignons frais. Pour la pizza, on va faire la pâte, mais par contre, la sauce, on va l'utiliser en conserve. Vous en pensez quoi, sinon, du surgelé en général? Est-ce que c'est problématique de cuisiner du surgelé? Non, c'est pas problématique. Il y a des très bons légumes qu'on peut utiliser, qu'on peut très bien cuisiner en surgelé, comme par exemple les branches d'épinards. Ça, c'est tout à fait... voilà. Après, tout ce qui est plat, préparé... avec beaucoup d'additifs, on arrive dans une certaine malbouffe. On n'aime pas faire ce genre de plat... À la cantine. On va se plonger dans votre quotidien. Bonjour, je m'appelle Lina. J'aimerais savoir combien de temps à peu près prend la préparation des plats de la cantine. Est-ce que c'est d'ailleurs la majeure partie de votre journée de travail, la préparation de ces plats? Eh ben, c'est la majeure partie, en effet, de la journée de travail. Alors, ça dépend évidemment si on utilise des produits surgelés, ça va être beaucoup plus rapide. Mais non, nous, on commence à 6 heures du matin. Donc, c'est 3 à 4 heures de préparation. On commence souvent par les desserts. En même temps, il y a des cuisiniers qui cuisent la viande, les légumes, les épluchages. Donc, tout ça, ça prend du temps. Les agents, les cuisiniers mangent et après, on fait manger les élèves à partir de 11h30 jusqu'à 13h. Et après 13 heures, on fait le nettoyage jusqu'à 15-16 heures, voilà. Ça fait une belle journée, effectivement. Ça fait une belle journée, oui. Une question de Sophia. Est-ce que chaque semaine, le plat est pareil comme nous ici au GSU La Fontaine, c'est qu'on a des plats qui se répètent le même jour, ou bien c'est des plats différents? Par exemple, vendredi, on mange couscous ici, et jeudi ou bien mardi, c'est tacos frites. Voilà, la valeur nutritionnelle du tacos frites n'est peut-être pas la meilleure, mais bon. Non. Alors souvent les plats, ils reviennent parce qu'en fait, on a nous des menus qui tournent sur 4 ou 5 semaines. Et voilà, pour respecter un certain équilibre alimentaire, voilà, on met souvent des féculents, par exemple le lundi et le jeudi, des légumes le mardi et le vendredi. Et des fois, il arrive que des plats reviennent le même jour. Alors, c'est dommage, elle m'a dit tacos frites toutes les semaines. Normalement, des frites, c'est recommandé une fois par mois. Ce qui revient le plus souvent, ce sont les féculents, les pâtes, les pommes de terre, le riz. Ah, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les cantines scolaires. Bon, les pâtes et le riz, je pense que les enfants ne s'en plaindront oui, pas. Une question de Rita. Je voulais savoir s'il y a beaucoup de gaspillage et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites de ce qui reste que les enfants ne mangent pas? Oh là là, c'est voilà, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment énorme. Tout ce qui est pris par l'élève ne peut pas être utilisé. Alors on peut l'envoyer en compost. Souvent, les collectivités prennent en charge le compost pour la ville, par exemple. Mais sinon, le pain qui est jeté, voilà, légalement, on n'a pas le droit de s'en resservir. Il peut y avoir dans certaines cantines des frigos de troc, par exemple. Un élève qui mange pas son yaourt va déposer son dans le frigo de troc et ça peut être pris par un autre élève qui a un peu plus faim, par exemple. C'est des choses qui commencent à se mettre en place. Mais est-ce que tout ce qui est cuisiné est servi ? Tout ce qui est cuisiné est servi, pas dans tous les établissements, beaucoup d'établissements. On a une cellule de refroidissement, donc c'est un grand frigo qui refroidit très très vite la nourriture et on a le droit de reproposer cette nourriture dans les 3 jours. Voilà. Donc on arrive vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage au niveau de la production. Un petit plaisir pour finir avec Younes. C'est quoi votre plat préféré ? Votre plat à vous, hein, pas forcément celui que vous servez. On me pose très très souvent la question, quel est mon plat préféré ? Et à chaque fois, je leur réponds, mais j'ai pas de plat préféré, je suis cuisinier, j'adore mon métier. Et je mange vraiment de tout. Ça n'empêche pas, hein, moi c'est le bœuf bourguignon, mais je mange quand même de tout. Ouais, c'est ça, alors j'arrive pas à me définir un plat préféré. J'adore les galettes bretonnes, et c'est quelque chose malheureusement que je peux pas proposer à la cantine. Et voilà, quand je vais en Bretagne. Je pense que ça peut être compliqué. Pour 100 élèves, ça peut être possible. Pour 1000, je ne me jetterai pas dans l'aventure. Bon, vous conservez les galettes pour chez vous, alors. C'est ça. Merci, Guillaume Delceau, pour ce France Info Junior et pour tous les bons repas. Guillaume Le Cantinier sur Insta, YouTube, etc. pour vous suivre. Merci aux élèves du collège Jean de la Fontaine de Fès et à Estelle Faure qui a recueilli leurs questions. France Info Junior en téléchargement avec l'application Radio France. France Info Météo. Avec Malongo, ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso. Des orages et principale inquiétude sur le Languedoc. 4 départements maintenus par Météo France en vigilance orange. L'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme. De la pluie aussi entre les plages de la Manche, l'Île-de-France, la Bourgogne et l'Auvergne. Le vent va s'accélérer. Ailleurs, ce sont plutôt des averses qui circulent sous un ciel souvent chargé. De belles éclaircies toutefois pour la Corse. Merci d'écouter France Info, 16h30. L'information avec Édouard Marguier. Joe Biden annonce qu'Israël a approuvé une aide humanitaire pour Gaza, une entrée au plus vite, déclare le président américain depuis Tel Aviv. Il confie également que cette guerre actuelle renforce sa détermination pour une solution à 2 États. Joe Biden annonce par ailleurs qu'il demandera cette semaine au Congrès américain une aide sans précédent pour Israël. Joe Biden qui apporte son soutien à Israël au sujet de l'explosion d'un hôpital à Gaza. L'armée israélienne et les mouvements armés palestiniens continuent de s'en rejeter la responsabilité. Il y a des centaines de morts. Au sujet de cette guerre entre le Hamas et Israël, le Conseil de sécurité des Nations Unies se montre une nouvelle fois impuissant. Il vient de rejeter une résolution de condamnation de ce conflit. Le retour en France de la chercheuse Fariba Adelra, c'est ce qu'annonce en tout cas son comité de soutien. Cette franco-iranienne avait été arrêtée en 2019, puis condamnée à 5 ans d'emprisonnement en Iran pour atteinte à la sécurité nationale. Elle avait été libérée le 10 février dernier, mais il lui était interdit de quitter le territoire iranien. Des perturbations dans les aéroports aujourd'hui. Une dizaine d'aéroports ont dû être évacués aujourd'hui en raison d'alerte à la bombe. Tous se sont rentrés dans l'ordre à cette heure-ci. Total Energy promet de maintenir son litre de carburant à 1,99€ le litre pendant toute l'année prochaine. Plafonnement maintenu, que ce soit pour l'essence ou le diesel. C'est Bruno Le Maire qui l'annonce après entretien avec le patron du groupe pétrolier. Patrick Pouyanné avait menacé d'arrêter ce geste en cas de prolongation d'une taxe sur les raffineries. Non, le PTZ ne sera pas supprimé, il sera amélioré pour tenter de juguler la crise immobilière. Le prêt à taux zéro restera ouvert aux ménages les plus modestes, mais l'an prochain, il sera aussi ouvert aux classes moyennes. C'est une première. Ce prêt réglementé ne pourra pas servir à construire une maison neuve par souci écologique, mais il servira pour acheter un appartement neuf en zone tendue ou un logement ancien avec travaux en zone non tendue. Merci. Merci Édouard Marguier. Un dernier discours avant de repartir à Washington. Le président américain Joe Biden vient de passer la journée en Israël. Et en cette fin d'après-midi, il répète sa détermination à trouver une solution à deux États. Détermination, selon lui, renforcée par la guerre actuelle entre Israël et le Hamas. Aussi longtemps que les États-Unis seront présents, ils vous soutiendront. Nous savons bien sûr que les terroristes ont laissé des blessures extrêmement profondes dans ce pays. Plus de 1300 citoyens et ressortissants, dont 31 américains, ont été exécutés. Des centaines de personnes, de jeunes qui assistaient à ce festival de musique qui était placé sous le signe de la paix. Ces jeunes-là ont perdu la vie et des enfants, que ce soit des petits, des grands-parents, des adultes, des enfants, des bébés qui ont été massacrés, des familles entières massacrées, des personnes violées, décapitées, des atrocités absolument monstrueuses qui rappellent vraiment les pires moments de notre histoire, c'est le mal. On ne peut pas rationaliser, excuser quoi que ce soit, point à la ligne. La brutalité qu'on a vue aurait été terrible un peu partout dans le reste du monde. C'est encore plus terrible ici, parce que le 7 octobre, c'était un jour de fête religieuse. C'était aussi le jour de cet holocauste. Et c'est un rappel du génocide, de l'Holocauste, ont été victimes le peuple juif. Joe Biden depuis Israël cet après-midi. Un peu plus tôt, il avait évoqué l'explosion de cet hôpital à Gaza hier soir, ce qui lui a valu ses critiques du Hamas et des autorités iraniennes. Ils accusent ensemble Washington d'être complice des crimes israéliens à Gaza. Bonjour Frédéric Saïs. Bonjour. Pourquoi ces accusations ? Eh bien parce que le président américain accrédite la version israélienne de ce drame. Israël qui dément toute frappe contre cet hôpital. L'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza, en dépit des accusations du Hamas, d'après l'armée israélienne. L'explosion est donc due à une roquette tirée depuis Gaza par le djihad islamique, un autre groupe armé. La question de la responsabilité dans cette explosion est évidemment primordiale dans la mesure où elle a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes, au moins 471 morts selon le ministère de la Santé à Gaza qui est affilié au Hamas. Cette explosion a aussi déclenché de très larges manifestations dans de nombreux pays arabes et musulmans. Joe Biden, lors d'une déclaration à la presse à Tel Aviv à la mi-journée, a donc appuyé la version israélienne. J'ai été profondément attristé et choqué par l'explosion dans l'hôpital à Gaza. Et sur la base de ce que j'ai vu, il apparaît que cela a été mené par la partie adverse, pas par vous. Alors, d'où Joe Biden tient-il cette certitude ? Eh bien, de données transmises par le Pentagone, le ministère américain de la Défense, a répondu Joe Biden, interrogé par des journalistes en marge d'une rencontre avec des familles de victimes israéliennes. Pour Joe Biden, le Hamas a commis des atrocités à côté desquelles même Daesh paraît plus raisonnable. Ce sont ses mots. Il dit aussi comprendre le désarroi et la colère des Israéliens. Mais à mots couverts, le président américain met tout de même en garde le gouvernement israélien. Il appelle à éviter les tragédies qui toucheraient les civils. Vous vivez selon les règles de l'état de droit, pas selon les règles des terroristes, a dit le président américain il y a quelques instants. Il annonce aussi un accord d'Israël et de l'Égypte pour permettre l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza via l'Égypte, sans plus de détails pour l'instant. Le soutien américain à Israël est donc réaffirmé sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire. Oui, avec des propos très clairs, là encore, de Joe Biden il y a quelques minutes. « Mon message à tous les pays qui voudraient attaquer Israël, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. » Et il insiste sur l'aide militaire apportée par les États-Unis à Israël. Israël doit répondre à ces attaques et nous devons continuer à nous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour vous défendre. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, comme vous le savez. Allusion à l'envoi dans la région de deux porte-avions américains accompagnés de croiseurs, lanceurs de missiles ainsi que la mise en alerte de 2000 soldats américains pour un éventuel déploiement. Message adressé, on le comprend entre les lignes, au Hezbollah libanais et à son principal soutien, l'Iran. La mobilisation militaire américaine pour éviter un embrasement de toute la région. Les derniers mots de Joe Biden à Israël cet après-midi. Vous n'êtes pas seul. Les États-Unis seront à vos côtés. Merci Frédéric Seyss, la rédaction internationale de Radio France. Dominique Moisy est géopolitologue, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Il craint sur France Info, à propos de cet hôpital gazaoui touché hier soir, que les deux camps restent sur leur position. On n'est plus dans le domaine de la rationalité. Les faits ne sont plus des faits. Ceux qui soutiennent Israël croiront la version israélienne. Ceux qui soutiennent les Palestiniens croiront la version du Hamas. Ça fait partie du drame de la situation actuelle. Il y a au fond jamais autant d'Israéliens n'ont été tués en une seule journée que le 7 octobre et les Palestiniens disent mais jamais autant de Palestiniens n'ont été tués d'un seul coup hier soir à l'hôpital de Gaza. Donc on est effectivement dans une escalade des émotions et c'est très difficile de calmer le jeu. Néanmoins, est-ce qu'une enquête indépendante ne serait pas utile ? Et est-ce réaliste de l'imaginer ? Je crois qu'elle serait indispensable. Elle peut être réalisée, mais j'ai peur qu'elle ne change rien sur le fond. C'est-à-dire qu'on a quitté, je l'ai déjà dit, le domaine de l'objectivité des faits. On est dans les passions pures. Moyennant quoi, il faut que cette enquête soit réalisée. Ça serait l'ONU, les Nations Unies, la CPI, je ne sais pas quel organe. Oui, non, il faut qu'à un moment donné, on arrive à des conclusions, que ces conclusions soient communiquées. Je ne suis pas sûr qu'elles changeront la nature émotionnelle du débat. Rappelez-vous, au lendemain du 11 septembre, la théorie du complot voulait que c'était le Mossad, les Israéliens qui avaient fait tomber les tours, qu'il n'y avait aucun Israélien, aucun Juif présent. C'était bien évidemment une thèse complètement farfelue. Elle reste présente dans l'esprit de certains. Le géopolitologue conseiller spécial à l'Institut Montaigne, Dominique Moisy, il répondait à Frédéric Carbone sur France Info. MMA, Business Entreprise. Je suis avec Aurélie, chef d'entreprise, qui me dit qu'entre urgence du quotidien et responsabilité, c'est pas toujours facile. Non, je suis très bien accompagnée. J'ai mon agent MMA qui me connaît bien. Il s'occupe de ma protection pro et perso. Il m'a même fait bénéficier de 50% sur mon assurance dirigeant. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Jusqu'au 25 novembre 2023, moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Allez chérie, s'il te plaît, on n'a plus beaucoup de temps. T'as pas l'impression d'en faire un peu trop? Non, si on ne réserve pas maintenant notre appartement neuf avec Cogedim.com, on peut dire adieu à la réduction d'impôt du dispositif Pinel 2023. Une réduction d'impôt? Oui. De combien? Bah, allez, ça peut aller jusqu'à 52 500 euros. Quoi? Mais 52 500 euros? Mais fonce là, go, on y va! Bah oui, quand on y va, c'est parti! Investir en Pinel peut présenter des risques. Détails et conditions sur Cogedim.com. France Info, 14h, 17h, Augustin Rivet. 16h40, le fil info, Édouard Marguier. Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. C'est ce qu'indique à l'instant le gouvernement israélien qui précise l'annonce faite un peu plus tôt par le président des États-Unis. Une entrée d'une aide au plus vite, a déclaré Joe Biden pendant une conférence de presse à Tel Aviv. Le président des États-Unis qui avertit par ailleurs Israël de ne pas faire les erreurs américaines d'après le 11 septembre. La première ministre française annonce un nouveau bilan des Français touchés par l'attaque du Hamas. 24 morts désormais, 7 disparus, déclare Elisabeth Borne. Borne, qui précise également que 3500 Français sont rentrés depuis les attentats du 7 octobre. Les chefs de gouvernement belge et suédois à Bruxelles ensemble pour un hommage aux deux supporters suédois tués par un terroriste. Ils profitent également pour réclamer une meilleure protection des frontières extérieures de l'Union européenne et des procédures renforcées pour l'expulsion de migrants en situation irrégulière. Suite à cet attentat revendiqué par le groupe État islamique dans la capitale belge, Emmanuel Macron reporte sa visite d'État prévue en Suède. Elle devait avoir lieu de lundi à mercredi prochain, report conjointement décidé avec le roi de Suède, indique l'Élysée. France Info. La Chine tente d'étendre ses relations commerciales, d'étendre son influence sur le monde entier. Ça passait ces derniers jours par un grand forum des routes de la soie, une réunion internationale à Pékin qui se termine aujourd'hui. Nous en parlons dans ce club des correspondants, 130 pays représentés. Sébastien Berriot, vous êtes le correspondant de France Info à Pékin. Le grand projet du président Xi Jinping semble tout de même un peu s'essouffler. Alors ce qu'il faut dire d'abord quand même, hein, c'est que les nouvelles routes de la soie, c'est un chantier absolument colossal. Première mobilisation financière mondiale aussi importante depuis le plan Marshall, disent certains économistes. 1000 milliards de dollars investis en 10 ans. Mais c'est vrai que depuis 2020, les nouvelles routes de la soie connaissent un certain ralentissement. Alors il y a une double explication. D'abord, bien sûr, le Covid, les 3 années de restrictions sanitaires en Chine qui ont clairement freiné les projets. On peut, par exemple, la réduction du nombre de trains de fret entre la Chine et l'Europe. La guerre en Ukraine a également affecté les nouvelles routes de la soie. Selon une étude réalisée par l'université Fudan de Shanghai, le montant moyen des investissements cette année a diminué de 48% par rapport au sommet de 2018. Et puis là, la Chine s'apprête à encaisser un gros coup dur, le départ de l'Italie, seul grand pays dans le camp occidental qui avait rejoint les nouvelles routes de la soie. L'annonce n'est pas encore tout à fait officielle, mais Rome est clairement en train de préparer sa sortie. Et avec ce forum, eh bien la Chine espère relancer les nouvelles routes de la soie. Oui, c'est ça, profiter de la présence ici de 140 pays pour conclure de nouveaux accords, essayer aussi de terminer ceux qui restent encore inachevés, comme par exemple la ligne de chemin de fer grande vitesse qui doit permettre de relier la Chine à Singapour. Plusieurs tronçons de la ligne restent encore manquants. La Chine souhaite aussi améliorer l'image des nouvelles routes de la soie en remplaçant les gros projets par des initiatives plus locales, plus respectueuses des populations et de l'environnement. C'est donc tout l'enjeu de ce forum qui est en train de s'achever ce soir à Pékin. Merci Sébastien Berriot depuis la Chine. Et parmi les représentations internationales, la Thaïlande. Carole Isou, le premier ministre thaïlandais, a fait le déplacement, mais surtout dans le but de conserver tant bien que mal son indépendance économique. Oui, la Thaïlande, comme tous les pays d'Asie du Sud-Est d'ailleurs, pratique envers la Chine, son premier partenaire commercial, ce que les experts appellent la diplomatie de la couverture, c'est-à-dire qu'elle multiplie les programmes de coopération dans tous les domaines, commercial bien sûr, mais aussi culturel ou militaire, sans jamais trop approfondir, et surtout en équilibrant cette coopération avec des partenariats similaires, noués avec des rivaux de la Chine et notamment les États-Unis, afin de ne jamais sombrer dans la dépendance envers l'une ou l'autre puissance. C'est cet équilibre délicat que le premier ministre thaïlandais est venu négocier à Pékin alors que la Thaïlande essaye de relancer son industrie touristique au sortir de la pandémie. Pour l'instant, les touristes chinois manquent à l'appel. Il s'agit aussi d'intégrer le pays dans un vaste programme d'infrastructures et notamment une ligne de train qui reliera prochainement la ville de Kunming dans le sud de la Chine à Singapour en passant par le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Et ce forum sert aussi de rendez-vous diplomatique entre les pays d'Asie. Oui, par exemple, le premier ministre thaïlandais s'est entretenu longuement avec Vladimir Poutine, loin des regards des pays occidentaux. Les deux pays ont décidé d'une collaboration accrue dans les secteurs agricoles, culturels et du tourisme. L'Indonésie, le Cambodge sont aussi venus discuter de projets cruciaux pour l'avenir de leur pays. Des accords politiques et commerciaux importants pour l'Asie se décident donc au cours de ce forum à l'ombre du géant chinois. Merci Carole Isou depuis Bangkok. Le président chilien était également également de ce rendez-vous pékinois. Naïla de Rouanet, le Chili est très attentif aux relations qu'il entretient avec la Chine. Il faut dire que c'est son premier partenaire commercial. Oui, en effet, 37% des exportations chiliennes ont pour destination la Chine et c'est aussi le pays d'où le Chili importe le plus de marchandises. Mais au-delà de ces échanges commerciaux, les deux pays regardent ensemble vers l'avenir. Cette semaine, le président chilien a annoncé depuis Pékin un investissement de plus de 200 millions de dollars d'une entreprise chinoise spécialisée dans le lithium, cet or blanc que les pays commencent à s'arracher car c'est un métal indispensable pour la fabrication des batteries des véhicules électriques. Et bien le Chili en est le deuxième producteur mondial et exporte 70% de sa production vers la Chine. Mais ce n'est pas tout. Santiago et Pékin partagent aussi l'ambition de l'énergie solaire, puisque le Chili possède des taux d'ensoleillement records grâce au désert d'Atacama dans le nord du pays où sont installés de gigantesques champs de panneaux solaires. Et bien ça, ça intéresse aussi la Chine. Mais les entreprises chinoises, Naïla, investissent aussi dans d'autres projets. Oui, comme par exemple l'agrandissement du port de San Antonio, le plus grand du Chili, qui reçoit la majorité des containers en provenance de Chine, ou encore la route numéro 5 qui relie le nord au sud du pays andin. Le Chili fait partie des premiers pays sud-américains à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine, c'était dans les années 1970, et il est le seul en Amérique latine à avoir assisté 3 fois de suite avec 3 présidents différents au Forum international des nouvelles routes de la soie en Chine, et ça ne semble pas prêt de s'arrêter là. Merci Naïla de Rouanet depuis Santiago, le Chili, pour clore ce club des correspondants. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien ça! Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. On est plus fort au rugby quand on est tous ensemble. Pour célébrer le collectif, GMF, sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, vous offre la première année moins 15% sur votre premier contrat auto ou habitation, puis moins 30% sur les contrats supplémentaires souscrits. Et ce jusqu'au 31 octobre. GMF, engagé pour le collectif. Conditions des offres sur gmf.fr. Bon, j'ai regardé le planning, on n'a pas du tout assez de monde pour le 28. L'hôtel de Nina a été entièrement réservé pour un gros événement. Elle doit trouver du personnel de chambre en extra ou elle va se retrouver dans de beaux draps. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, profitez d'un partenaire de recrutement tout en un. Créez vos offres d'emploi, filtrez les candidats, faites passer les entretiens sur une seule et même plateforme. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100 euros offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. France Info, 14h-17h, Augustin Rivet. Nous admirons Notre-Dame depuis le musée du Louvre. Dans un instant, le conseil d'Anne Chépeau après le Fil Info, 16h50, Édouard Marguier. La fin de plus de 4 ans de privation de liberté, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra est de retour en France, indique son comité de soutien. Et Sciences Po Paris, elle avait été arrêtée en 2019, puis condamnée à 5 ans d'emprisonnement en Iran pour atteinte à la sécurité nationale. Elle avait été libérée le 10 février, mais il lui était interdit de quitter le territoire iranien. 12 jours après la riposte contre le Hamas dans la bande de Gaza, Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne depuis l'Égypte. C'est ce qu'indique le gouvernement israélien suite à la visite de Joe Biden à Tel Aviv. Le président des États-Unis qui profite de ce déplacement pour réaffirmer son soutien à une solution à 2 États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Au sujet de l'explosion dans un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts, Israël et mouvement armé palestinien se rejettent toujours la responsabilité. Le président américain apporte son soutien à l'État hébreu sur la question. Tel Aviv désigne un tir de roquette du groupe djihad islamique. En France, le Conseil d'État estime que c'est au préfet d'apprécier si les manifestations pro-palestiniennes doivent être interdites ou non. Réponse du Conseil d'État après l'ordre envoyé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin d'interdire tous les rassemblements. Des matchs retour en Ligue des Champions de football suite et fin du deuxième tour. Les joueuses du Paris FC jouent sur la pelouse de Wolfsburg en Allemagne. Coup d'envoi 18h45. Il y avait eu 3 partout au match aller et puis le PSG accueille Manchester United à 20h. Là aussi il y avait eu match nul au match aller, 1 but partout. France Info. Le Louvre présente depuis ce matin le trésor de Notre-Dame de Paris. Il avait été épargné par l'incendie de la cathédrale. Anne Chépeau, une exposition retrace son histoire. Un imposant chandelier en bronze doré, haut de plus de 2 mètres, accueille le visiteur. Il s'agit d'une des pièces les plus monumentales dessinées par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Mais comme le rappelle l'exposition, l'histoire du trésor de Notre-Dame est beaucoup plus ancienne. Elle est aussi mouvementée et marquée par de nombreuses destructions. Florian Meunier, conservateur en chef au musée du Louvre. Tout ce qui était précieux a été fondu, soit dans les années 1560 pendant les guerres de religion, soit définitivement en 1792. Et c'est ce qui était sorti du trésor auparavant et qui n'avait pas de caractère précieux, en tout cas pas réutilisable immédiatement, comme le parchemin enluminé qui subsiste aujourd'hui. Donc nous réunissons pendant quelques mois les livres du trésor de Notre-Dame de Paris qui permettent de se rendre compte de ce qui était à l'intérieur de cette cathédrale gothique pour célébrer la messe. C'est en 1804, pour le sacre de Napoléon Ier à Notre-Dame, que le trésor est reconstitué, comme en témoigne la dizaine de pièces d'orfèvrerie rassemblées dans une vitrine. Certaines, en particulier la croix processionnelle, sont identifiables dans le célèbre tableau de David, le sacre de l'empereur Napoléon Ier, représenté pour l'occasion sur un des murs de l'exposition. À partir de 1845, Eugène Viollet-le-Duc, chargé de la restauration de la cathédrale, apporte sa contribution au trésor. Il dessine de nouvelles pièces qui viennent l'enrichir. Le reliquaire de la couronne d'épines en fait partie. Anne Dion, une des commissaires de l'exposition. C'est un objet très monumental, très riche, puisqu'il est enrichi de pierres précieuses. L'archevêque, en effet, avait fait appel à la générosité des paroissiennes pour donner des bijoux pour enrichir ce reliquaire. Ce reliquaire est en deux parties, avec une partie inférieure avec les personnages liés à l'histoire de la relique, Sainte Hélène qui a découvert le bois de la croix, Saint-Louis qui a acheté les reliques, et la partie supérieure, destinée à accueillir la couronne dans un anneau reliquaire, est en forme de couronne garnie de fleurs de lys. Une douzaine d'objets de ce trésor, constitués par Viollet-le-Duc, sont exposés au Louvre, à la réouverture de la cathédrale en décembre 2024. Avec des dizaines d'autres, ils rejoindront la sacristie de Notre-Dame et les rares pièces intransportables qui s'y trouvent encore. Cette exposition, le trésor de Notre-Dame de Paris, des origines à Viollet-le-Duc, c'est donc à Paris, au musée du Louvre, jusqu'au 29 janvier prochain. Merci Anne Chépeau. Une réalisatrice dans le monde d'Élodie ce mercredi, mais que nous allons retrouver sur scène la semaine prochaine. Colline Serrault joue la belle histoire de Colline Serrault et elle y raconte sa vie comme elle le fait au micro d'Élodie Suigo. Bonjour Colline Serrault. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous êtes surtout une touche-à-tout, tour à tour scénariste, réalisatrice, comédienne, metteur en scène. Vos plus grands succès, mais également vos plus grands souvenirs de tournage et de direction d'acteurs restent vos trois films, Trois hommes et un couffin, La crise et La belle verte. Votre vie a toujours été entourée de combats pour la liberté, pour la vérité, contre le patriarcat. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous raconter tout ça sur scène. Cette vie chargée en émotions depuis votre plus tendre enfance. Vous serez au Théâtre Michel à Paris dans votre seule en scène, La belle histoire de Colline Serrault, pour 5 représentations à compter du 23 octobre prochain. C'est un tête-à-tête avec le public, sans artifice. Vous nous communiquez votre plaisir d'être là au théâtre. Le théâtre qui vous accueille pour ce retour semble avoir toujours été une clé finalement dans votre construction. Oui, je suis un peu née sur une scène parce que déjà mon père avait un théâtre. C'est dans son théâtre qu'a été créé Godot de Beckett. J'ai toujours été sur scène, quoi. Je me sens vraiment chez moi sur la scène, oui. Mais même un plateau de cinéma, c'est une scène. Le point de départ sont vos années d'études à l'école Beauvallon dans la Drôme, créée en 1935, vous le racontez, par deux femmes incroyables. Dans cette école, il n'y avait pas de chaussures, pas de limites. Il y avait surtout cette notion qui est au cœur de votre vie, donc de votre parcours, c'est la liberté. La liberté, puis un respect pour les autres, un respect pour la nature, beaucoup. Et l'hôpital intérieur qui est en nous, c'est-à-dire que c'était... Il y avait des assemblées où on pouvait parler, les enfants et les adultes avaient le même droit de parole. C'était un vrai endroit démocratique, ça manque un peu, ça, un vrai endroit démocratique en ce moment. Dans cette école, vous avez aussi appris ce qu'était la résistance. Oui, c'était un grand centre de résistance. Proclamées justes. Elles sont au Panthéon. Parmi les justes. Ça vous a forgé aussi, ça vous a endurci? Oui, ça m'a fait comprendre que c'était pas dominant, la résistance, c'était très très très minoritaire. Quand on sent qu'on est dans un combat qui est juste, c'est pas important qu'on soit majoritaire, on va le devenir. Si on a une conviction profonde, il faut continuer à la défendre et un jour ça sera dominant et reconnu. C'est ça que ça m'a appris, la relativité de l'idéologie d'un instant. Vous abordez vos parents et votre enfance, ils étaient artistes, vous dites qu'ils étaient des princes, mais en même temps qu'ils étaient clochards parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent qui rentrait. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, il n'y avait même pas du tout d'argent. Mais ça c'est super parce que des fois je suis allé à l'Élysée ou des trucs comme ça, comme cinéaste, et puis dans la rue, moi avec tout le monde, je suis super à l'aise. Tout ça, cette histoire d'argent, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Je sais ce que c'est que d'être fauché, je sais ce que c'est d'avoir une grande culture et ça me met pas au-dessus des autres. Ni rien, ni personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Voilà, c'est ça ma philosophie. Et l'argent, c'est pas un critère, quoi. Votre père était très dur avec vous ? Non, il était pas très dur, il était pas là. Ça vous a manqué, ça ? À l'époque, c'était extrêmement massif comme phénomène, hein. Les types s'occupaient de leur vie et puis les femmes, elles s'occupaient des gosses. Mais comme ma mère était en plus une intellectuelle et quelqu'un qui était remarquable sur le plan intellectuel et sur le plan artistique, c'était difficile. Que gardez-vous d'elle d'ailleurs ? Une infinie admiration. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis alors ? Déjà l'écriture, parce que c'était une écrivain formidable et puis la rigueur. Je suis quelqu'un de très très rigoureux quand je tourne aussi. Quand je suis sur le plateau, là, oui, c'est moi qui décide et qui mène les choses d'une manière extrêmement rigoureuse parce que je le dois au public qui vient me voir. Parlons de ce public, il a toujours été là. Oui, il a toujours été et là. Et même à des moments où ceux qui comptaient dans le métier n'y croyaient pas. Mais je dois tout au public. D'accéder, voilà. Oui, mais ça aussi, c'était la force de la connaissance de ce que c'est que la résistance. C'est-à-dire que ne jamais s'arrêter à un jugement, quel qu'il soit négatif, qui n'est pas intérieurement juste. Alors que le jugement du public, il est souvent juste. Lui, il compte pour moi. J'adore les critiques, je les entends. Mais pas les critiques professionnelles, pas trop. Ça. Non, mais parce que vous savez, Télérama a quand même dit de Trois hommes et un couffin que c'était pipi caca dodo à la française. C'est un mépris total du peuple français qui a vu ce film et qui n'a pas vu ça. Comment vous avez vécu MeToo et l'affaire Weinstein ? Enfin, l'abcès est sorti, quoi. Il y a plein d'autres abcès qui vont sortir, là. Hein. Comme ? Ah la pédophilie, quoi. C'est énorme, énorme. Les incestes. Sylvie Pierre-Brossolette, elle est géniale. Elle fait un boulot, là, en ce moment. Et il y a toujours des crétins qui sont là pour lui dire « Ah oui, mais la liberté sexuelle !» Ah oui, la liberté sexuelle, on adore ça, nous, hein, on la pratique, hein. Mais pas avec les gosses, quoi. Je veux dire, il y a un truc... Non, c'est... Donc, je l'ai vécu comme un soulagement pour un truc pour lequel je me suis toujours battue, quoi. Toujours, toute ma vie. Je me suis demandé si vous aviez souffert d'être une femme, Coline Serreau, en tant que cinéaste. Est-ce que ça a été plus difficile ? Non. Maintenant, c'est plus difficile. Parce qu'à l'époque, on était tellement peu. On était jeunes, on avait beaucoup de charme, tout ça. Ça allait, on menaçait rien du tout. Mais maintenant... Mais de toute façon, pour moi, ça rentrait même pas en ligne de compte qu'il y ait des difficultés. J'ai été un tel bulldozer de vouloir faire les trucs. J'ai eu énormément d'obstacles, mais je croyais pas que c'était possible, que ça soit pas possible de le faire, voilà. Donc, grande joie de monter sur scène. Ah, ça oui. Ça, un bonheur total. Mais on surtout s'il y a du monde. À vous de venir. Merci Coline Serreau d'être passée dans le monde d'Élodie sur Merci. France Info. Vous serez sur scène à compter du lundi 23 octobre prochain avec votre seule en scène au Théâtre Michel à Paris. La belle histoire de Coline Serreau, soit 5 dates exceptionnelles. Merci beaucoup. Et il y aura une reprise en janvier. Merci Élodie. Merci Élodie Suigo. France Info Météo. Avec Malongo, ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso. 4 départements en vigilance orange, Météo France aux orages, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme. C'est assez arrosé, mais avec moins d'intensité de la Manche à l'Île-de-France, la Bourgogne et en Auvergne. Orage encore demain matin dans la vallée du Rhône pour un jeudi très pluvieux et des températures qui resteront souvent au-dessus des normales de saison. 17h, il est plus que temps de vous confier aux bons soins de Nicolas Théillard. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Augustin, bonne soirée à vous. 3 nouvelles heures d'information avec les yeux braqués sur le Proche-Orient ce soir encore. Bienvenue à tous, 17h. France Info, 17h, 20h, Nicolas Théillard. Et toute l'info avec vous, Armand Perrouloga. Bonsoir. Bonsoir. Et d'abord, cette nouvelle séquence de violence au Proche-Orient. L'explosion d'un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts hier soir. Israël et le djihad islamique se renvoient à la responsabilité du massacre et les manifestations se multiplient dans le monde arabe. Des données américaines disculpent Israël, c'est ce que dit Joe Biden qui était aujourd'hui en visite à Tel Aviv. Le président américain annonce un accord avec Israël pour l'acheminement d'une aide humanitaire à Gaza via l'Égypte et il réaffirme son soutien pour une solution à 2 États, israéliens et palestiniens. À suivre aussi les fausses alertes à la bombe qui se multiplient en France et créent des perturbations. Et puis Elisabeth Borne qui va activer l'article 49.3 pour faire passer le budget 2024. Article 49.3 engagé à l'instant par la Première Ministre sur le volet recettes, le monde arabe en ébullition, on en parlera dans 10 minutes, Armand, avec notre invité Pierre Razou, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonne fin de journée. En pleine guerre entre Israël et le Hamas, une première décision a été prise en matière humanitaire. À l'issue de son déplacement à Tel Aviv aujourd'hui, Joe Biden a annoncé un accord avec Israël pour acheminer une aide humanitaire à Gaza via l'Égypte. Cette aide doit arriver au plus vite, a dit le président américain. Toute la journée, il a affiché son soutien à Israël. 12 jours après l'attaque du Hamas, les États-Unis seront à vos côtés, a-t-il dit au premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais le président américain met aussi en garde le gouvernement israélien contre la mort de civils palestiniens, Frédéric Saïs. Oui, soutien sécuritaire d'abord. Joe Biden appuie la version israélienne à propos de l'explosion qui a touché un hôpital hier dans la bande de Gaza. Explosion attribuée par le Hamas à l'armée israélienne. Celle-ci incrimine au contraire un tir de roquette depuis la bande de Gaza par le djihad islamique, un autre groupe armé. Joe Biden confirme donc cette version grâce, dit-il, aux données transmises par le Pentagone, le ministère américain de la Défense. Le président américain réitère son soutien au peuple israélien. Le peuple américain pleure avec vous, a-t-il lancé après avoir rappelé les atrocités, je cite, commises par le Hamas. Selon Joe Biden, à côté du Hamas, même Daesh, même l'État islamique semble raisonnable. Fin de citation. Le président américain a aussi plaidé pour que l'aide humanitaire parvienne aux Palestiniens innocents, ce sont ses mots. Il annonce d'ailleurs un accord d'Israël pour que cette aide puisse entrer via l'Égypte, accord non confirmé encore au Caire. Et puis Joe Biden met aussi en garde l'armée israélienne. Il l'appelle à ne pas imiter les erreurs commises par les Américains après le 11 septembre, sous-entendu attention à une surréaction meurtrière qui déclencherait une escalade dans la région. Frédéric Saïs, c'est dans le monde arabe. C'est une journée d'indignation et de colère après l'explosion d'un hôpital à Gaza hier soir. La déflagration a fait 471 morts selon le Hamas. Israël et le Hamas rejette la responsabilité de ce massacre. Israël accuse le djihad islamique et parle d'un tir raté de roquette. Joe Biden assure donc que les données américaines disculpent Israël. De nombreuses manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans des pays arabes, mobilisant des milliers de personnes à Amman, au Caire, à Beyrouth, mais aussi en Tunisie, devant l'ambassade de France à Tunis. Mobilisation également en Cisjordanie occupée. Alice Froussard, vous êtes à Jénine, où une nouvelle manifestation est prévue tout à l'heure. Oui, justement, et pour le moment, dans la ville, l'ambiance est encore très calme. C'est comme un lendemain d'incursion israélienne, comme si la ville était en deuil. Les restaurants, les cafés, les épiceries sont fermés à cause d'une grève générale. Le marché est vide, tout comme les routes, même le camp de réfugiés est silencieux. Il n'y a de l'animation qu'autour de l'hôpital où je me trouve, lieu de rassemblement habituel lorsqu'il y a des blessés et des morts. Rien à voir avec la veille, hein, lorsque les échanges de tirs ont duré toute une partie de la nuit. Des tirs entre des hommes armés de Jénine et les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Les combattants palestiniens étaient équipés comme s'ils s'en prenaient à l'armée israélienne, nous confiait un habitant cet après-midi. Il nous montre les vidéos des incendies, des pneus qui brûlent, des hommes armés. Et dit-il, ce n'est que le début d'une plus grande contestation car la colère est exponentielle et tous demandent la démission de Mahmoud Abbas. Alice Froussard à Jénine avec Alexandra Bergel pour les moyens techniques. Et j'ajoute que nous serons à Beyrouth pour retrouver notre correspondant dans 5 minutes. Côté français, le bilan s'alourdit. Elisabeth Borne annonce que 24 Français sont morts dans les attaques du Hamas en Israël. 7 Français sont encore portés disparus. Paris a rapatrié 3500 Français d'Israël selon la Première Ministre. Le soulagement pour la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka. Elle est rentrée en France après 4 ans de captivité en Iran. Elle avait été arrêtée en 2019, puis condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Elle avait été libérée le 10 février dernier, mais jusqu'à présent, il lui était interdit de quitter le territoire iranien. En France, 10 aéroports régionaux évacués aujourd'hui, comme le château de Versailles. Des évacuations suite à de fausses alertes à la bombe et de fausses menaces d'attentats. Ces évacuations se multiplient depuis le week-end dernier, depuis l'attentat d'Arras, notamment dans des lycées. Et cela mobilise forcément à chaque fois de nombreuses forces de police, Aurélien Tirard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Aurélien Tirard. L'article 49.3 de la Constitution activé par la Première Ministre à l'Assemblée. Oui, ce sera et c'est la 13e fois pour Elisabeth Borne. Elle active pour faire passer le budget 2024, la partie recette, Audrey Tison. Oui, ce n'est pas une surprise. Le gouvernement n'avait pas de majorité. À Bercy, on était sûr de ne pas trouver de compromis, même avec les Républicains. Alors, autant aller vite. Elisabeth Borne est donc apparue il y a quelques minutes dans l'hémicycle pour couper court après seulement quelques heures de discussion générale sur ce projet de loi de finances. C'est un budget vert, un budget pour l'école, un budget de responsabilité, a-t-elle assuré. Nous avons tendu la main et cherché des points d'accord avec tous les groupes politiques. Aujourd'hui, le constat est clair. Aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi dont notre pays a besoin. J'engage donc la responsabilité de mon gouvernement sur le fondement de l'article 49.3, déclare la Première Ministre, provoquant quelques protestations dans les rangs de la France Insoumise, comme du côté du Rassemblement National. Désormais, les oppositions ont 24 heures pour déposer une motion de censure et tenter de renverser le gouvernement. 2 motions en cours de préparation, l'une de la part du Rassemblement National, l'autre de la part de la France Insoumise. On ignore pour l'instant si les autres groupes de gauche ont ajouté leur signature. Chaque camp est en train d'en discuter. Audrey Tison à l'Assemblée nationale avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. Total Energy va maintenir le plafonnement du prix de ses carburants à 1,99€ pour toute l'année 2024. Engagement pris par le PDG du groupe, Patrick Pouyanné. Et puis un changement d'air dans les aéroports parisiens. Air France à Orly, c'est bientôt fini. À compter de 2026, la compagnie française va transférer tous ses vols exploités actuellement dans le sud de Paris vers Roissy, à l'exception des liaisons vers la Corse. Raison évoquée par l'entreprise, la baisse de la demande, Valentin Winato. Sur les 4 dernières années, le nombre de vols intérieurs a baissé de 40% au départ d'Orly, moins 60% même pour les allers-retours sur la journée. En cause, eh bien, le développement de la visioconférence, la réduction des déplacements professionnels et le report vers le train, à en croire l'entreprise. Alors Air France veut adapter son offre. Sont concernés les vols vers Nice, Marseille et Toulouse, mais aussi vers la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, qui partiront donc de Roissy à compter de 2026. Dans 3 ans, seul Transavia, la branche à bas coût d'Air France, restera à Orly et prendra donc en charge les vols intérieurs au départ de cet aéroport, comme c'est déjà le cas pour Montpellier ou Pau, par exemple. Côté emploi, eh bien Air France assure qu'il n'y aura aucun départ contraint et doit engager les négociations avec les syndicats. Mais une bonne partie des 600 salariés concernés va quand même devoir changer de lieu de travail et prendre la direction de Roissy, à 1 heure de route plus au nord. Valentin Winato. Et puis la Ligue des champions féminines de football. 2 clubs français jouent ce soir. Ce sont les matchs retour du 2e tour. À 18h45, les filles du Paris FC sont en Allemagne face à Wolfsburg. Et à 20h, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester United. À l'aller, il y avait eu match nul lors des 2 rencontres. Et on suivra ça sur France Info. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Allez chérie, s'il te plaît, on n'a plus beaucoup de temps. T'as pas l'impression d'en faire un peu trop? Non, si on ne réserve pas maintenant notre appartement neuf avec Cogedim.com, on peut dire adieu à la réduction d'impôt du dispositif Pinel 2023. Une réduction d'impôt? Oui. De combien? Bah, ça peut aller jusqu'à 52 500 euros. Quoi? Mais 52 500 euros? Mais fonce là, go, on y va! Bah oui, quand on y va, c'est parti! Investir en Pinel peut présenter des risques. Détails et conditions sur Cogedim.com. Voici Kenza. Kenza a de quoi être fière. Elle vient de faire 5 minutes de vélo pour aller chercher le pain. Kenza a décidé que dorénavant, pour les trajets courts, fini la voiture. C'est meilleur pour la qualité de l'air et ça lui permet de faire des économies et un peu d'exercice en prime. Alors oui, vraiment, Kenza a de quoi être fière. Changeons d'air, changeons de mobilité. Renseignez-vous sur les aides existantes de l'État, des collectivités et de votre employeur sur mieuxrespirerenville.gouv.fr. Ceci est un message de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique. France Info, 17h-20h, Nicolas Taillard. Il est 17h10, bonne fin de journée à l'écoute de France Info. Tout ce qu'il faut retenir ce soir, c'est votre fil info, Armand Perrouloga. Israël autorise l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte après 12 jours de blocus. Cette ouverture du poste frontière de Rafah se fera au plus vite, déclare Joe Biden, le président américain qui est à Tel Aviv depuis ce matin. Une visite au lendemain de la destruction d'un hôpital à Gaza hier soir. Il y a au moins 471 morts selon le Hamas, qui accuse Israël d'être responsable de ce massacre. L'État hébreu dément catégoriquement et affirme qu'il s'agit d'un tir de roquette raté du djihad islamique. Joe Biden appuie cette position et affirme que les données américaines disculpent Israël. Cette hécatombe ravive la colère du monde arabe. Les manifestations anti-occidentales se sont enchaînées aujourd'hui en Égypte, Jordanie, Cisjordanie, au Liban, mais aussi à Istanbul, en Turquie. Ils étaient également des milliers devant l'ambassade de France à Tunis ce mercredi. Côté français, le bilan s'alourdit. Elisabeth Borne annonce que 24 Français sont morts dans les attaques du Hamas en Israël. 7 Français sont encore portés disparus. Elle a passé près de 4 ans de captivité en Iran. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka est rentrée en France aujourd'hui. Elle avait été arrêtée en 2019 et condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Et puis Elisabeth Borne, sans surprise, active l'article 49.3 pour la 13e fois. La Première ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur la partie recette du projet de budget pour 2024. France Info. Une tension maximale sur l'ensemble du Proche-Orient après 10 jours de guerre entre Israël et le Hamas. La tension est encore montée d'un cran après l'explosion survenue hier soir dans un hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Ali, où le bilan fourni cet après-midi par le ministère de la Santé de la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas, fait état de 471 morts et 314 blessés. Explosion que le Hamas attribue à l'armée israélienne, dénonçant un massacre alors que les autorités israéliennes défendent la thèse d'une roquette tirée depuis Gaza par le djihad islamique, roquette qui aurait explosé en vol et dont les débris auraient ensuite provoqué une explosion sur le site de l'hôpital. Une thèse accréditée ce soir par les services américains et la Maison Blanche. Mais sans attendre d'éléments plus probants ou la mise en place d'une enquête indépendante, les opinions arabes se sont enflammées hier à la vue de ces images du carnage, avec des rassemblements spontanés devant les ambassades israéliennes et américaines dans plusieurs pays. Au Liban notamment, où le Hezbollah appelait ce mercredi à une journée de colère. Retrouvons Noé Pignède, notre correspondant à Beyrouth. Noé, la manifestation contre l'ambassade américaine a tourné à l'affrontement. Oui, oui, et la situation est encore extrêmement tendue au moment où je vous parle. Aux abords de l'ambassade américaine de Beyrouth, des centaines et des centaines de personnes sont venues crier leur colère après le drame d'hier à l'hôpital de Gaza. Les manifestants tentent d'avancer vers le mur d'enceinte de l'ambassade. Les forces de sécurité libanaises ont tiré des lacrymogènes pour disperser la foule. On a vu plusieurs ambulances emmener des manifestants inconscients. Ils se sont évanouis à cause du gaz. Certains étaient ensanglantés. Ahmed a 23 ans, palestinien autour du cou. Noé Pignède, qui est avec nous à Beyrouth, que l'on va tenter de retrouver dans un tout petit instant. Retrouvons notre invité, le directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonsoir Pierre Razou. Bonsoir. On écoutait Noé Pignède nous décrire la tension qui entourait le Proche-Orient et notamment Beyrouth du côté du Liban, ce qui explique en partie ces difficultés de liaison. L'embrasement redouté de la région est-il déjà une réalité selon vous ? Non, je ne pense pas. Ce que l'on observe, en tout cas par rapport aux informations qui datent d'une heure que j'ai pu regarder, c'est que pour le moment, clairement, le Hezbollah maintient la pression face à Israël sur le front nord. Donc il y a des échanges de tirs de missiles anti-chars, de quelques roquettes qui visent quelques cibles militaires. Mais pour le moment, il y a aucun projectile, enfin, en tout cas aucune attaque ne vise directement les grandes villes israéliennes. Donc en fait, le Hezbollah fait passer le message à la limite beaucoup plus d'ailleurs au Hamas et aux Palestiniens qu'à Israël, il est là, il est toujours là. De par la pression militaire qui peut s'exercer contre Israël, ça force en fait Israël à maintenir sur place mobilisées plusieurs divisions qui ne seront pas ailleurs, c'est-à-dire qui ne seront pas autour de Gaza, qui ne seront pas en Cisjordanie ou à Jérusalem pour pour protéger les colonies israéliennes en Cisjordanie, pour protéger le territoire israélien. Et donc, quelque part, le Hezbollah se dit de cette manière-là, finalement, sans même rentrer en confrontation. J'avertis mon allié du Hamas que grâce à ces actions-là et cette pression, je maintiens hors du champ de bataille plusieurs divisions et plusieurs forces et une partie des efforts de surveillance de l'armée israélienne. C'est une volonté de maintenir une tension très forte ? Oui, c'est clairement la volonté de maintenir une pression très forte, mais je pense vraiment sans aller à l'affrontement pour plusieurs raisons. D'abord, quelque part, le Hezbollah est en position dominante au Liban, donc là, il est dans une position qui lui est globalement favorable. Donc, vouloir tout risquer en affrontant Israël serait un petit peu stupide. Et puis surtout, c'est qu'un affrontement majeur entre le Hezbollah et Israël provoquerait la fuite d'une grande partie de la population libanaise, notamment au sud du Liban, et notamment la population chiite, qui, vu l'état socio-économique du Liban, n'a pas les moyens de les accueillir. Donc, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt du Hezbollah et encore moins de l'Iran de pousser à une confrontation directe. Je parle d'une vraie confrontation massive avec Israël. Restez avec nous, Pierre Razou. On évoquera la question de l'explosion de cet hôpital et les propos de Joe Biden dans un instant. On a retrouvé Noé Pignède qui était avec nous à Beyrouth, la capitale libanaise, qui vit sous tension depuis hier soir, Noé. Oui, la capitale est en effet sous tension depuis hier soir et en ce moment même, les manifestants continuent d'essayer d'aller vers l'ambassade américaine. Les forces de sécurité libanaises les repoussent avec des lacrymogènes. On a vu pas mal d'ambulances emmener des manifestants inconscients et se sont évanouis à cause du gaz. Certains étaient ensanglantés. Je vous laisse écouter Ahmed, il a 23 ans et un keffier palestinien autour du cou. On nous traite comme des animaux alors qu'on est venu pacifiquement. Ils nous tirent dessus, on ne comprend plus rien. On est juste là pour soutenir la cause palestinienne et Gaza. Mais s'il le faut, le sang coulera pour venger les enfants et les familles qui sont morts là-bas. Ici, tout le monde accuse les Occidentaux d'être complices de la riposte israélienne contre le Hamas et surtout d'être responsables de la mort de milliers de civils dans les bombardements sur la bande de Gaza. Georges a la cinquantaine et il en veut beaucoup, beaucoup aux États-Unis et à la France. C'est le contribuable français et américain qui paye les impôts, qui aide Israël à ce massacre. Contre les lois internationales, la loi humanitaire, voilà, pour cela nous sommes là comme Libanais pour protester. Nous voulons la paix, mais nous voulons la paix juste. C'est la relance de Nico. Est-ce que l'ambassade de France a été prise pour cible, Noé ? Oui, en effet, cette nuit, il y a eu une manifestation devant l'ambassade de France. Il y a eu des jets de pierres parce qu'ici, en fait, le soutien inconditionnel France à Israël ne passe pas du tout. Tous les gens à qui nous parlons ont l'impression qu'aux yeux des Occidentaux, une vie palestinienne vaut moins qu'une vie israélienne. Ici, le discours de Paris qui invoque le droit d'Israël à se défendre est totalement inaudible pour les Libanais. Ils accusent Paris de nier ce qu'ils qualifient de crime de guerre de l'armée israélienne. Noé Pignède à Beyrouth. Pierre Razou est toujours avec nous, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Joe Biden semble ce soir disculper Israël de la responsabilité de l'explosion de cet hôpital hier. Est-ce que là aussi ce message est inaudible dans le monde arabe ? Est-ce qu'il peut peser au niveau diplomatique ? Alors, si vous me permettez, l'impression que j'ai, c'est que Joe Biden est venu en Israël, bien sûr pour affirmer son soutien à Israël, mais il est surtout venu pour délivrer un message de dissuasion à l'égard du Hezbollah et indirectement de l'Iran pour dire si le Hezbollah ouvre les hostilités sur Israël, bien entendu Israël ripostera contre le Hezbollah, mais très certainement les États-Unis aideront Israël à bombarder ou en tout cas à affaiblir le Hezbollah. Mais la vraie raison, c'est que Joe Biden est aussi venu prévenir Netanyahou que, en fait, au-delà de la guerre tout court qui se déroule à Gaza, il y a une guerre médiatique qui a été lancée, c'est très évident. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en parallèle la guerre sur le terrain et la guerre dans les médias, et cet événement en est une illustration patente. Et que donc, les Israéliens doivent faire attention pour ne pas alimenter et donner de l'eau au moulin de l'Iran, du Qatar et d'un certain nombre d'autres acteurs locaux. en l'occurrence, est-ce que les acteurs régionaux s'intéressent à la vérité de ce qu'il s'est passé hier soir, 24 heures plus tard ? Je ne sais pas, mais l'impression qu'on a, c'est qu'en fait, les médias comme les sociétés sont très clivés et que en fait, dans les deux camps, chacun campe sur ses positions sans même chercher à savoir où est la vérité. Est-ce que cet épisode et la réaction des opinions arabes a encore davantage compliqué la position d'une éventuelle diplomatie pour les États-Unis dans le monde arabe, avec cette réunion annulée par exemple en Jordanie qui était prévue aujourd'hui avec l'Égypte et l'autorité palestinienne? Je dirais que plus que les États-Unis, c'est qu'elle a compromis, ou en tout cas elle rend beaucoup plus difficile le jeu régional de leaders qui étaient finalement plutôt favorables à Israël, qui se retrouvent en porte-à-faux avec leur population, typiquement en Égypte, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite, où là, ça va être beaucoup plus difficile pour ces dirigeants de soutenir ouvertement Israël, même si quelque part, ces dirigeants-là, clairement, n'aiment pas le Hamas. Combien même d'épreuves viendraient accréditer le fait que cette explosion serait liée à une roquette du djihad islamique ? Oui, parce qu'encore une fois, les populations arabes s'abreuvent bien sûr dans les télévisions, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et un phénomène que vous retrouvez dans toutes les sociétés, y compris occidentales, y compris aux États-Unis, c'est que chaque clan, entre guillemets, ou chaque faction ne regarde plus que les nouvelles qui viennent de son propre camp et qui viennent conforter ses idées préconçues. Pierre Razou, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info ce soir. Merci. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. C'est si bon. Rouge des Prés. De chez le boucher. En boucher. En faux filet. En onglet. En collier. En chili con carne. En poté. En pavé. Au penne. Au panné. Poêlé. Fumé. Parfumé. Glacé. En gelée. Façon mémé. À l'étouffée. Mariné. Mijoté. Au laurier. Rissolé. Gratiné. Grillé. Snacké. Et se smaquer. Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui, oui. France Info. 17h-20h, Nicolas Teillard. On va prendre un monde d'avance avec vous, Olivier Poujade, dans les prochaines minutes au programme. En Iran, nous allons en Iran après le choc et la révolte après l'assassinat du réalisateur Dariush Merjoui, père de la nouvelle vague iranienne. Détail à suivre, un point sur l'essentiel, votre fil info, Armand Perouloga. Et on a appris aujourd'hui deux libérations. D'abord celle du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi. Il était détenu en Afghanistan depuis le 7 janvier. Libération aussi de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka. Chercheuse franco-iranienne, elle a pu rentrer en France aujourd'hui pour la première fois depuis son arrestation en 2019. En pleine guerre entre Israël et le Hamas, une première décision a été prise en matière humanitaire. Joe Biden annonce un accord avec Israël pour acheminer une aide humanitaire à Gaza via les Égypte. L'entrée de cette aide se fera au plus vite, assure le président américain qui était à Tel Aviv aujourd'hui. Cette visite de Joe Biden intervient au lendemain de l'explosion d'un hôpital à Gaza, explosion qui a fait au moins 471 morts selon le Hamas. Israël affirme qu'il s'agit d'un tir raté de roquettes du djihad islamique. Les Palestiniens parlent de mensonges. Depuis ce matin, des milliers de personnes ont manifesté dans le monde arabe à Amman, au Caire, Beyrouth, mais aussi en Cisjordanie ainsi qu'à Tunis devant l'ambassade de France. Et puis Elisabeth Borne active une nouvelle fois l'article 49.3 pour faire passer le volet recettes du projet de budget 2024. La France insoumise et le Rassemblement national vont déposer une motion de censure. France Info. Thomas Pontillon, cellule décryptage de France Info en studio pour évoquer l'adoption à une large majorité la nuit dernière à l'Assemblée du projet de loi de régulation de l'espace numérique. On en a beaucoup parlé. On y trouve des dispositions, Thomas, à destination des plus jeunes, notamment. Oui, ça concerne notamment l'accès aux sites pornographiques. Aujourd'hui, la loi interdit aux mineurs de regarder du porno sur Internet, sauf que dans les faits, ce n'est pas du tout respecté, puisque la plupart des sites demandent seulement si l'utilisateur a plus de 18 ans, et il suffit de répondre oui sur la page d'accueil. Désormais, la loi va donner plus de pouvoir à l'ARCOM, l'autorité de régulation, qui pourra bloquer un site porno qui laisse passer les mineurs. En clair, ce sera écran noir tant que l'âge ne sera pas contrôlé, sachant que pour l'instant, on ne sait pas encore comment ce sera fait. C'est l'ARCOM qui le dira, mais on a déjà quelques pistes, puisque l'an dernier, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, recommandait notamment de vérifier l'âge en utilisant une carte bancaire. Autre volet de la loi qui concerne le cyberharcèlement. Alors, c'est un phénomène qui touche aussi les jeunes, mais pas seulement. Et avec ce projet de loi, les sanctions envers les cyberharceleurs sont renforcées. Aujourd'hui, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison selon l'âge de la victime. Désormais, le juge pourra en plus prononcer une peine complémentaire de suspension des réseaux sociaux pour 6 mois ou 1 an en cas de récidive. Alors, cette peine de bannissement concernera aussi les menaces et les intimidations contre les élus, les entraves à l'avortement ou encore les dérives sectaires. Et les réseaux sociaux qui ne bloqueront pas les comptes suspendus encourront une amende de 75 000 euros. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette loi ? Alors, il y a des sujets assez variés. Il y a par exemple la création d'un filtre anti-arnaque. Concrètement, on devrait recevoir un message d'alerte si on se connecte à un site malveillant ou après avoir reçu un SMS qui se fait passer pour un service public. Le texte vise aussi à mieux réglementer le cloud, la conservation des données en ligne pour ouvrir ce domaine à plus de concurrence, alors que ces services sont aujourd'hui entre les mains essentiellement de Google, Amazon et Microsoft. Et puis enfin, le projet de loi vise aussi la généralisation d'une identité numérique. Le service existe déjà via France Identité Numérique, qui sécurise l'accès à certains sites, comme celui des impôts par exemple. Et les députés souhaitent que l'État se fixe comme objectif que 80% des Français disposent d'une identité numérique d'ici 3 ans. Thomas Pontillon. Un monde d'avance en Iran, Olivier Poujade, alors que l'on vient d'apprendre la libération de Fariba Adelka après 4 années de captivité pour la chercheuse franco-iranienne. Émotion profonde qui traverse la société en Iran. Le double assassinat du réalisateur Dariush Merjoui et de son épouse samedi dernier, poignardés dans leur résidence près de Téhéran. Un double assassinat qui suscite d'énormes interrogations. 10 de suspects interpellés. Ouais. La police iranienne privilégie la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais l'opposition iranienne n'y croit pas. Elle n'y croit pas car récemment, le couple avait envoyé plusieurs messages pouvant laisser penser qu'il se sentait observé et même visé. Il y a d'abord cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux en Iran. Dariush Merjoui et sa femme, Vahideh Mohammadi Farr, murmurent tous les deux « Vive la liberté !» Et ensuite, cette phrase prononcée en persan, puis en français par le réalisateur iranien. Les assassins sont parmi nous. Maintenant, c'est pas cher. Les assassins sont parmi nous, soyez prudents, conclut en persan Dariush Merjoui. Et puis il y a cette interview aussi, publiée dimanche dans le principal journal réformateur iranien. Dans cet entretien, Vahideh Mohammadi Farr affirmait avoir été récemment menacée et que leur domicile avait été cambriolé même. Et si l'opposition émet autant de soupçons, c'est aussi lié au profil de Dariush Merjoui. Oui, durant toute la carrière de Dariush Merjoui, le talent de celui qui est considéré comme le pionnier du cinéma nouveau iranien, ce talent a été censuré dans un premier temps sous le régime du Shah d'Iran. Son film La Vache, considéré comme un chef-d'œuvre absolu par le jury de la Mostra de Venise en 69, ce film est interdit en Iran et ne sera projeté en France que 45 ans après. Merjoui est ensuite adoubé par la révolution islamique. L'ayatollah Khomeini le considère un temps comme son cinéaste favori, mais Merjoui tombe rapidement en disgrâce et la censure de ses films devient quasi systématique. L'école où nous allions en 80, Banu en 91, Santouri en 2007, une dernière censure que, dans un récent message, il ne semblait toujours pas avoir digéré. Je proteste. Un film n'est pas du lait ou de la viande pour dire que la date de consommation a expiré. Vous m'avez donné une autorisation pour la projection du film. Pourquoi vous revenez sur vos paroles ? Vous avez interdit tous mes films. Vous avez enterré un de mes films. Vous l'avez jeté à la poubelle. Vous avez interdit mon film Santouri sans raison. En Iran, Olivier, on y voit un message du régime contre toute forme d'opposition. Oui, comme beaucoup, l'avocate Nasrin Sotoudeh, grande figure de la contestation, défenseur des droits humains en Iran, Nasrin Sotoudeh établit un parallèle entre l'assassinat il y a 25 ans de Dariush et Parvaneh Foroufar, disparu en 98 dans les mêmes conditions. À quelques jours de l'anniversaire de leur mort, les opposants y voient un signal envoyé rappelant la série d'assassinats politiques perpétrés dans les années 90. Dans un communiqué, le ministre iranien de la Culture, lui, affirme avoir demandé des éclaircissements sur les circonstances de cet événement qu'il considère comme triste et douloureux. Olivier Poujade, un monde d'avance. Pour assurer ma retraite, pour en profiter pleinement, avec AJP, assurez votre retraite sans faire l'impasse sur les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Pour connaître tous nos engagements, rendez-vous sur agipi.com, agipi.com, rubrique Nos engagements ou contactez un agent AXA. France Info Météo. Avec Malongo, ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso. Sébastien Léas, alerte orange dans le sud-est. Oui, la Drôme, l'Ardèche, le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance orange par Météo France pour des fortes pluies et des risques d'inondations et de crues. Jusqu'à cet après-midi, les pluies se concentraient essentiellement sur les Cévennes, mais ces pluies orageuses ont tendance à se propager vers les plaines, voire les côtes méditerranéennes, à cause notamment de la perturbation atlantique qui glisse vers l'est. Ce soir et cette nuit, on craint des averses et des orages peu mobiles qui pourront déverser de grandes quantités de pluie en quelques heures. Le secteur entre Montpellier et Alès est notamment le plus propice à ce genre d'orage stationnaire. Prudence donc, et puis beaucoup d'averses demain. Oui, les pluies soutenues et orageuses seront encore présentes demain entre le nord des Cévennes, le Lyonnais, le Dauphiné et le Jura, gagnant même vers le nord-est l'après-midi. Le temps va aussi être de plus en plus instable sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ainsi que sur les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et le bassin parisien avec des averses orageuses. Le risque orageux débordera aussi vers le centre-val de Loire, sur l'est du pays. Le risque d'averse sera quand même un peu plus faible. Sébastien Léas, bienvenue sur France Info. Légèrement passé l'info, Édouard Marguier. La première ministre engage une nouvelle fois la responsabilité du gouvernement. Elle déclenche le 49-3 pour faire adopter, faute de majorité, le volet recette du budget de l'État. C'est la 13e fois depuis qu'elle est à Matignon. En réponse, la France insoumise annonce déposer une motion de censure du gouvernement. La première ministre qui fait un bilan des Français rapatriés depuis la guerre déclenchée par le Hamas en Israël. 3500 ressortissants de retour en France. Elisabeth Borne a également donné un nouveau bilan des victimes françaises après les attentats menés par le groupe islamiste contre Israël le 7 octobre. Elisabeth Borne, cet après-midi devant le Sénat. Le 7 octobre, vous l'avez rappelé, une attaque terroriste sans précédent a touché Israël. Nous l'avons condamné fermement à plusieurs reprises, encore avec vous la semaine dernière. Au cours de cette attaque, 24 de nos compatriotes ont perdu la vie. 7 sont encore disparus et plusieurs sont probablement retenus en otage à Gaza. Face à l'horreur, nous l'avons dit, Israël a le droit à la sécurité, Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international humanitaire. La première ministre Elisabeth Borne, depuis le Sénat, sur le terrain, Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cela se fera depuis l'Égypte, tant qu'il s'agit de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile. Dans le sud de l'enclave palestinienne, précise le communiqué du bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne impose un strict siège de la bande de Gaza, pilonné par l'aviation depuis l'attaque sanglante du 7 octobre. Quant à l'explosion d'un hôpital de Gaza, Israël et les groupes armés palestiniens se rejettent la responsabilité. Il y a des centaines de morts. Tel Aviv, soutenu par les États-Unis, Joe Biden en déplacement en Israël, impute la frappe à une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste. Ce sont les mots du président des États-Unis. Des images aériennes et des communications interceptées mettent Israël hors de cause, appuie le porte-parole de la Maison-Blanche. Autre conflit, l'Ukraine. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont parlé au téléphone. Les deux présidents ont ont évoqué le renforcement de la défense ukrainienne. Kiev s'attend à une nouvelle campagne de bombardement russe cet hiver. Le retour en France de la chercheuse Fariba Adelra, c'est ce qu'annonce son comité de soutien et Sciences Po Paris. Cette franco-iranienne avait été arrêtée en 2019, puis condamnée à 5 ans d'emprisonnement en Iran pour atteinte à la sécurité nationale. Elle avait été libérée le 10 février, mais il lui était interdit de quitter le territoire iranien. Et on apprend il y a quelques instants la libération du journaliste franco-afghan détenu en Afghanistan, Mortaza Berboudi. Il était détenu depuis 284 jours. C'est ce qu'annonce Reporters sans frontières. Édouard Marguier, bonsoir Isabelle Raymond. Bonjour Nicolas. On vous retrouve avec votre invité écho à 17h50. Et je reçois la présidente de la NDRH, Audrey Richard. Comment les employeurs doivent-ils faire face aux violences au sein de l'entreprise, aux violences physiques, notamment aux violences faites aux femmes? La NDRH lance demain un guide de bonnes pratiques. Et on vous retrouve dans un gros quart d'heure. Le président américain termine sa visite en Israël. Visite périlleuse pour Joe Biden. Au moment où le Proche-Orient semble entrer en éruption après l'explosion meurtrière d'un hôpital de Gaza dont l'origine précise reste indéterminée ce soir, Israël et le Hamas se renvoyant la responsabilité du drame dès hier soir. Après cette explosion qui a fait près de 500 morts, des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays de la région, Liban ou encore Jordanie. Bonsoir Thibault Lefèvre. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À Jérusalem pour France Info, c'était le premier déplacement de l'histoire d'un président américain en Israël pendant un conflit. À l'arrivée, un accord, Thibault, Israël autorise l'aide humanitaire à entrer à Gaza. Oui, Israël a donné son accord sous la pression américaine, mais avec des conditions, que les livraisons soient inspectées, que l'aide humanitaire arrive directement aux populations civiles dans la zone sud et pas au Hamas, et qu'elle ne concerne que l'eau, la nourriture et des médicaments. Les États-Unis devraient débloquer un programme d'aide à hauteur de 100 millions de dollars. À voir maintenant si l'Égypte décidera d'ouvrir le poste frontière de Rafah, c'est au sud de l'enclave. Le président américain doit s'entretenir avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ici dans l'avion du retour. L'autre information, c'est le soutien militaire et financier à Israël. Deux porte-avions américains sont déjà positionnés en Méditerranée orientale. 2000 soldats sont prêts à intervenir. Et Joe Biden s'est engagé à demander au Congrès américain d'approuver une aide financière sans précédent à Israël. Le président américain a enfin rappelé que selon lui, la paix passait par une solution à deux États. Et il a menacé de représailles pour la troisième fois en 12 jours les pays ou les groupes qui voudraient s'en prendre à Israël. Et puis Thibault, Joe Biden appuie la position d'Israël après l'explosion de l'hôpital Al-Ali de Gaza, accrédite la thèse d'une roquette envoyée depuis l'enclave. Oui, Joe Biden est convaincu, comme l'armée israélienne, que cet hôpital, l'hôpital Al-Ali de Gaza, a été touché hier soir par une roquette lancée de l'enclave par le djihad islamique palestinien, un allié du Hamas. Une mise au point fondée, dit-il, sur des informations du Pentagone, et donc pas seulement sur la démonstration, images et documents audio à l'appui de l'armée israélienne présentée en fin de matinée. Cette thèse, Nicolas, est difficile à confirmer, tout comme celle du Hamas. Le mouvement islamiste affirme de son côté que des bombardements israéliens sont à l'origine de l'explosion. Le ministère de la Santé palestinien a compté 471 morts, un décès sur 6 dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Thibault Lefèvre à Jérusalem. Bonsoir Camille Magnard. Bonsoir Nicolas. Revenons sur cet accord humanitaire évoqué par Joe Biden cet après-midi, alors que des centaines de tonnes d'aide internationale sont bloquées depuis des jours sur la route du poste frontière fermé à Rafah. Oui, c'est ce que nous disait Thibault à l'instant. Rafah, au sud de la bande de Gaza, c'est le seul point d'accès au territoire palestinien qui ne soit pas contrôlé par Israël. Mais l'État hébreu, ces derniers jours, avait bombardé plusieurs fois le site et ça avait poussé l'Égypte à fermer son poste frontière, empêchant de fait le ravitaillement de l'enclave palestinienne. Ce soir, donc, Joe Biden, de retour de Tel Aviv, annonce qu'il a obtenu l'accord du gouvernement Netanyahou pour qu'il laisse passer l'aide humanitaire à Rafah. En gros, qu'il cesse de bombarder le checkpoint. Reste à savoir toutefois si l'Égypte va confirmer cet accord. Elle qui, ces derniers jours, s'était montrée très réticente à ouvrir la frontière par crainte de voir un afflux de réfugiés palestiniens dans sa région frontalière du Nord Sinaï. Et cette aide humanitaire, c'est une question de survie immédiate pour des centaines de milliers d'habitants de Gaza auxquels Israël impose un siège complet depuis 9 jours. Et tous les habitants de l'enclave que j'ai pu joindre aujourd'hui parlent des pénuries, des rationnements qu'ils doivent s'imposer faute de trouver les biens de première nécessité. C'est ce que raconte notamment Sarah El Mzeni, jeune Gazaoui déplacée à Khan Younes, près de la frontière avec l'Égypte. Nous n'avons plus d'électricité depuis 3 jours. On est aussi à court d'eau potable. Même la nourriture dans les supermarchés vient à manquer. Donc oui, la situation est vraiment critique. Dans une semaine au plus, nous n'aurons plus rien. Ni électricité, ni eau, ni nourriture. Et la situation est la même dans les hôpitaux de la bande de Gaza au bord de l'implosion, selon Mathias Kenes. Il est l'un des coordinateurs de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. On a donné tout au ministère de la Santé. Et MSF, aujourd'hui, se retrouve sans rien. Donc, il est primordial maintenant que les frontières s'ouvrent pour que des médicaments, pour que de l'aide humanitaire puisse rentrer. Et c'est bien ça dont il est question avec cet accord annoncé par Washington et Tel Aviv pour que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza via l'Égypte. Mais rappelons-le, il faut encore que le Caire confirme sa participation à l'accord Prudence. Donc, Camille Magnard pour ses précisions. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Alors Thomas, vous faites l'inventaire de votre stock ? Eh non Cerise, je me penche sur ma future retraite. Et vu mon parcours, je suis perdu. Chez Groupama, un conseiller réalise gratuitement votre bilan retraite sur mesure pour savoir quand partir, avec combien et connaître les avantages de nos solutions d'épargne. Ah, eh bien je prends rendez-vous alors. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les accompagner. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Pour assurer ma retraite, pour en profiter pleinement, avec AJP, assurez votre retraite sans faire l'impasse sur les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Pour connaître tous nos engagements, rendez-vous sur agipi.com, agipi.com, rubrique Nos engagements ou contactez un agent AXA. Ramsès III, le dernier des géants, c'est le nouveau roman de Christian Jacques. 20 ans après Ramsès II, un roi exceptionnel repousse l'envahisseur et déjoue un incroyable complot. C'est Ramsès III, le dernier grand pharaon. Ramsès III, le dernier des géants, un grand roman de Christian Jacques, un livre XO. France Info, 17h-20h, Nicolas Théillard. Et à 17h40, un point sur l'essentiel, votre fil info, Édouard Marguet. Le Rassemblement National va également déposer motion de censure après le 49-3 déclenché par la Première Ministre. LFI avait annoncé la même chose un peu avant, faute de majorité. Elisabeth Borne engage la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote le volet recettes du budget de l'État. C'est le 13e 49-3 depuis qu'elle est à Matignon. Sur l'explosion d'un hôpital à Gaza qui a fait des centaines de morts, le président des États-Unis soutient la version d'Israël. C'est le résultat, dit Joe Biden, d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste, en l'occurrence le djihad islamique. Un autre groupe armé palestinien, le Hamas, continue de son côté d'accuser l'armée israélienne. La première ministre annonce un nouveau bilan des Français touchés par l'attaque du Hamas du 7 octobre. 24 morts désormais, 7 disparus. 3500 Français sont rentrés en France depuis ces attentats. Les chefs de gouvernement belges et suédois à Bruxelles, ensemble pour un hommage aux deux supporters suédois tués par un terroriste. Ils en ont profité pour réclamer une meilleure protection des frontières extérieures de l'Union européenne et des procédures renforcées pour l'expulsion de migrants en situation irrégulière. Suite à cet attentat revendiqué par le groupe État islamique dans la capitale belge, Emmanuel Macron reporte sa visite d'État en Suède. Elle devait avoir lieu de lundi à mercredi prochain, report conjointement décidé avec le roi suédois, indique l'Élysée. France Info. Le prêt à taux zéro prolongé jusqu'en 2027. Le dispositif devait s'arrêter. Bercy annonce aujourd'hui sa prolongation et sa refonte complète. Sophie Ovine, ce sera pour les ménages les plus modestes la cible du dispositif dès sa création. Mais le prêt est élargi aux classes moyennes qui en bénéficieront pour la première fois. Mais oui, dès le 1er janvier prochain, 6 millions de foyers fiscaux supplémentaires vont pouvoir demander un PTZ, donc un prêt à taux zéro. Alors certes, toujours sous conditions de revenus, mais avec des salaires plus importants, par exemple avec 3100 euros net mensuels. Mais tout cela pour acheter dans des zones qu'on appelle tendues. Et là, les prix restent trop élevés. Alors ces zones qui bénéficient du PTZ ont été élargies, avec un peu plus de 200 villes supplémentaires, que ce soit Dunkerque, Bordeaux, Besançon, Bidart, Le Mans ou encore Auxerre. Et pour les ménages les plus modestes, qu'est-ce qu'il y a du changement ? Alors oui, là aussi, d'abord, le prêt à taux zéro pourra peser jusqu'à 50% du crédit total, contre 40% jusqu'à présent. Le montant maximal passe de 80 à 100 000 euros. Et puis surtout, les banques sont appelées à aider. La première à répondre présent, c'est le Crédit Agricole, qui accordera 1 euro de prêt, également à taux zéro, pour chaque euro de PTZ dans la limite de 20 000 euros. Alors je vous donne un exemple concret. Pour un emprunt total de 100 000 euros, un ménage peut obtenir un PTZ de 50 000 euros. Il peut en plus décrocher un prêt de 20 000 euros du côté du Crédit Agricole, donc toujours sans intérêt à verser. Ça veut dire au total 70% du crédit accordé à taux zéro. Et il faut savoir qu'en moyenne, ce nouveau PTZ doit permettre 10 à 30 000 euros d'économie sur 20 à 25 ans. Et ça, c'est pour quel type de logement ? Appartement, maison, tout est possible ? Alors là aussi, ça évolue. L'objectif est évidemment d'aider les primo-accédants à acheter leur résidence principale, mais tout en luttant contre l'artificialisation des sols. Donc, sont exclues les maisons, ni achat, ni construction d'un logement individuel. Le prêt à taux zéro aidera à acquérir un appartement neuf en zone tendue ou ancien avec travaux en zone détendue. Un dernier mot du pourquoi, Sophie, ce revirement soudain de Bercy alors que ce prêt à taux zéro devait s'arrêter à la fin de l'année ? Ben effectivement, il est prolongé, vous le disiez, jusqu'en 2027. Alors raison officielle, évidemment, la volonté d'aider les ménages à se loger en redonnant des couleurs au marché immobilier alors que la production de crédit immobilier a diminué de moitié. On est en effet passé chaque mois de 20 à 10 milliards seulement. Et pour ça, eh bien, l'État mettra au pot plus de 800 millions d'euros supplémentaires. Voilà, vos prêts, non pas vos marques. C'était Sophie Auvigne. C'est la première fois en France qu'une étude détecte la présence d'un polluant cancérigène dans le corps de pompiers. Enquête menée par l'équipe de l'émission Vert de Rage, diffusée sur France 5, qui révélait lors d'une conférence de presse ce matin les résultats de deux études menées par des chercheurs indépendants. Les retardateurs de flammes que l'on trouve dans tous les objets du quotidien font manifestement des ravages chez les pompiers. 4% d'entre eux seraient victimes, Anne Lordanier, de cancer dû à ces polluants. En France, il n'y a pas de données précises sur le nombre de pompiers professionnels atteints de cancer. Il serait 2200. C'est tabou, personne n'en parle. Il y a 20 ans, en 2003, un rapport commandé par Nicolas Sarkozy recommande qu'il y ait un travail épidémiologique sur les pompiers et une meilleure prise en compte des cancers. On est 20 ans après, ce n'est toujours pas le cas. Martin Boudot réalise l'émission Vert de Rage sur France 5. Il s'étonne parce que la France ne reconnaît qu'un seul cancer comme maladie professionnelle. Il y en a une trentaine aux États-Unis. Alors pour faire bouger les lignes, son équipe a mené une expérience. Des pompiers volontaires ont porté des bracelets un peu spéciaux pendant leurs opérations. Résultat, des polluants ont été détectés sur les bracelets et notamment des retardateurs de flammes. Les retardateurs de flammes, c'est des produits qui sont utilisés dans les mousses de vos canapés, dans les plastiques, des jouets, dans votre voiture. C'est des choses qui servent normalement à retarder la propagation du feu. C'est une bonne idée à l'origine. Le problème, c'est que non seulement c'est inefficace, mais en plus c'est très toxique. Neurotoxiques et cancérigènes, ces retardateurs de flammes libérés par les fumées ont aussi été retrouvés dans les analyses de sang pratiquées sur les pompiers. Stéphane Morisot vient de prendre sa retraite et il vient aussi d'apprendre qu'il souffre d'un cancer de la prostate. Il défend des mesures de protection toutes simples car les pompiers sont aussi contaminés par la peau. Tout ce dont on dispose pour la phase active est très efficace. C'est en amont et après l'opération qu'il faut modifier entre autres nos process. On va prendre des paires de gants nitriles pour éviter le contact de la peau avec tous les équipements que l'on peut toucher, changer de cagoule à chaque opération de lutte contre l'incendie, se doucher le plus rapidement possible au retour en casernement. À la tête de son association, Stéphane Morisot veut sensibiliser ses collègues pour qu'ils se protègent des fumées toxiques. Il réclame aussi un vrai suivi, des études chiffrées et la reconnaissance de plusieurs cancers comme maladies professionnelles chez les pompiers. Anne Lordanier, cette émission Vert de Rage consacrée à la contamination des pompiers sera diffusée sur France 5 début 2024. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. Allez chérie, s'il te plaît, on n'a plus beaucoup de temps. T'as pas l'impression d'en faire un peu trop? Non, si on ne réserve pas maintenant notre appartement neuf avec Cogedim.com, on peut dire adieu à la réduction d'impôt du dispositif Pinel 2023. Une réduction d'impôt? Oui. De combien? Bah, ça peut aller jusqu'à 52 500 euros. Quoi? Mais 52 500 euros? Mais fonce là, go, on y va! Bah oui, quand on y va, c'est parti! Investir en Pinel peut présenter des risques. Détails et conditions sur Cogedim.com. France Info, 17h-20h, Nicolas Théillard. Comment lutter contre les violences en entreprise et notamment les violences visant les femmes? Audrey Richard, la présidente de l'Association nationale des DRH, est l'invité éco de France Info avec Isabelle Raymond. C'est dans une minute, 17h50, votre fil info, Édouard Marguet. Le ministre de la Justice prévient que les petits plaisantins, c'est son mot, qui s'amuse avec ces fausses menaces, seront retrouvés et punis par précaution des évacuations. Pour alerte à la bombe se multiplie en France, au moins 10 aéroports aujourd'hui et encore une fois le château de Versailles pour la troisième fois depuis samedi. 12 jours après la riposte contre le Hamas dans la bande de Gaza, Israël autorise sous condition l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne depuis l'Égypte, c'est ce qu'indique le gouvernement israélien. Tel Aviv qui a le soutien de Washington sur l'explosion d'un hôpital gazaoui, il y a des centaines de morts, des images aériennes et des communications interceptées mettent Israël hors de cause selon la Maison Blanche. Joe Biden qui était sur place en Israël parle d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste. Le président des États-Unis qui a quitté Tel Aviv, il a profité de cette visite pour réaffirmer son soutien à une solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. En France, le Conseil d'État estime que c'est au préfet d'apprécier si les manifestations pro-palestiniennes doivent être interdites ou non. Réponse après l'ordre envoyé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un télégramme à tous les préfets qui demande d'interdire tous les rassemblements. Des matchs retour en Ligue des Champions de football suite et fin du deuxième tour. Les joueuses du Paris FC jouent sur la pelouse de Wolfsburg dans trois quarts d'heure, 18h45 pour le coup d'envoi. Il y avait eu trois partout au match aller et puis le PSG accueille Manchester United à 20h. Là aussi, il y avait eu match nul à l'aller, un but partout. France Info, l'invité éco, Isabelle Raymond. Bonsoir à tous. Comment les employeurs doivent-ils faire face aux violences au sein de l'entreprise? Question posée ce soir à la présidente de l'Association nationale des DRH, Audrey Richard, bonsoir. Bonsoir. La NDRH lance demain un guide de bonnes pratiques intitulé « Violences faites aux femmes, quel rôle pour les DRH et les managers ?» Merci d'en parler en avant-première sur France Info. Le fait que vous publiez ce guide aujourd'hui, est-ce que ça signifie que ces violences, elles existent au sein même de l'entreprise? Alors, ces violences, elles existent dans l'entreprise. Nous sommes confrontés en tant que DRH, en tant qu'entreprise, à cette problématique, mais elles existent aussi dans la vie personnelle. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir quel est le rôle de l'entreprise sur ces sujets-là, sur ces deux facettes de ce sujet qui nous semble important. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à avoir? Ça commence par quoi? Alors, vraiment, vraiment déjà, l'association se positionne et vraiment c'est important parce que pendant longtemps, on s'est questionné pour savoir si on devait prendre en charge la violence dans l'entreprise, oui, mais la violence dans le milieu domestique, dans le milieu privé. Et justement, avec ce guide qu'on sort demain, avec ce travail qui a été réalisé avec l'ONU Femmes France, on a mélangé nos forces de spécialistes et de terrain pour justement apporter une réponse sur que faut-il faire en termes de prévention, en termes d'accueil, en termes d'action concrète. Et voilà. Et j'imagine que ça commence par savoir à qui s'adresser. À qui s'adresser, tout à fait. Je rappelle d'ailleurs le 3919 ou par SMS le 114. Mais avant cela, il y a tout le champ de j'accueille, je détecte qu'il y a un problème de violence auprès d'une femme, auprès d'une salariée. Alors, on peut parler des hommes qui peuvent aussi subir des violences, bien sûr, mais statistiquement, on a plus de salariées féminines qui sont concernées. Et vous savez, on l'a particulièrement vu dans nos entreprises au moment du Covid, puisque c'est à ce moment-là que le travail s'est déporté à la maison et que nous, DRH ou manager, nous avons dû gérer ces problématiques et l'entreprise a fait face, le DRH a trouvé des solutions pour aider ces femmes victimes. Alors, qui faut-il former en priorité ? Est-ce que c'est l'équipe dirigeante ? Est-ce que c'est tous les collaborateurs ? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé à ces questions, et notamment pour détecter les violences au sein de l'entreprise, puisque ça fait partie des sujets que vous abordez dans ce guide ? Bien évidemment, il faut former. Bien évidemment, cela fait partie de la prévention. Et oui, il faut commencer d'en haut. Il faut qu'il y ait, de notre point de vue de praticien, il faut qu'il y ait cette conscience collective de protection, de bon comportement. Et si nous détectons de mauvais agissements... Il y a des signaux faibles qu'il faut détecter. Tout de suite agir et proposer des actions. Donc, la formation... Oui, est importante. Et vous savez, dans beaucoup d'entreprises, ça a déjà été fait, réalisé. Donc, avec des formations qui sont mises en place, avec des référents également. Il faut des référents dans les entreprises. C'est un bon moyen d'avoir un relais de proximité qui va pouvoir être à l'écoute, recevoir la parole, écouter. Et ensuite, essayer de trouver des solutions. Et ces derniers... je prends vraiment la période de Covid qui a été clé pour nous. Mais on voit ces DRH qui ont deux possibilités. Soit ils discutent avec leurs partenaires sociaux pour vraiment prendre le sujet et aller travailler sur des accords des propositions concrètes d'aménagement. Mais on a aussi d'autres entreprises, d'autres managers ou RH qui vont enclencher des actions. Je peux vous en citer quelques-unes. Concrètes. Sans forcément le faire savoir. Citez-nous justement un exemple. Oui. D'actions qu'on peut mener. Donc, par exemple, des DRH peuvent, sur le temps de travail, proposer à la personne victime d'aller réaliser des démarches, soit porter plainte, des démarches administratives ou même une recherche de logement. Ça, ce sont des choses qui existent. Mais ça, on est sur les violences intrafamiliales, sur les violences au sein de l'entreprise. Que faut-il faire ? Oui, violence au sein de l'entreprise, c'est assez simple, le dire, donc vraiment être à l'écoute et quand on est confronté à cela, alors une enquête immédiatement se met en place et ensuite évidemment si c'est avéré, alors sanction. La prise en compte de ces violences, est-ce qu'elle ne se réduit pas avec la féminisation des équipes dirigeantes ? Difficile de répondre. Mais qu'en pensez-vous, votre cela. Richard ? Alors, moi, ce que j'en pense est vraiment... Vous avez été DRH dans plusieurs entreprises, Orange, Capgemini, SNCF, Dassault Systèmes. Le sujet est pris de façon tout à fait volontariste. Et je pense que, alors peut-être avec cette féminisation, mais pas forcément, mais le sujet est un sujet de société et un sujet et une responsabilité des entreprises d'assurer la santé, la sécurité dans l'enceinte de l'entreprise. Donc, on a beaucoup évolué. La NDRH vraiment met un point d'honneur à aller encore plus loin sur ces sujets-là pour être à la hauteur et aider ces femmes victimes. La violence ne commence-t-elle pas par la discrimination salariale ? 4%, les femmes sont payées 4% de moins que les hommes à temps de travail et postes comparables. Et ce sera ma dernière question. Alors, ce sujet est également pris à travers l'index égalité hommes-femmes, qui probablement va évoluer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est en évolution depuis sa création, depuis le moment où les entreprises travaillent dessus. Donc, il y a cette volonté, les DRH ont cette volonté, évidemment, de rendre cet index le meilleur et donc enclenche des actions pour réduire les différences salariales entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH. Vous lancez donc demain un guide de bonnes pratiques intitulé « Violences faites aux femmes, quel rôle pour les DRH et les managers ?» Vous étiez l'invité écho de France Info ce soir. Et c'était avec vous Isabelle Raymond. France Info Météo avec Malongo, ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso. Et Sébastien Léas, attention, forte pluie sur le Languedoc. Oui, il pleut sur une bonne partie est du pays en ce moment, mais c'est surtout la zone entre le golfe du Lion, la vallée du Rhône et le Dauphiné qui sera la plus arrosée. L'Hérault, le Gard, la Drôme et l'Ardèche sont d'ailleurs en vigilance orange pour des risques de forte pluie et d'inondations ainsi que des crues. Localement, des orages stationnaires pourront même se développer ce soir, donnant des cumuls abondants. Cet axe pluvieux va lentement se décaler, débordant vers l'Ain dans la nuit avant de gagner la Franche-Comté en matinée, puis la Lorraine demain après-midi. La perturbation pluvieuse va, elle, s'évacuer vers l'est en cours de nuit, laissant place à un temps instable pour demain. Sur la Provence, la Corse et entre les côtes de la Manche, les Charentes, le bassin parisien et le Limousin, il faut s'attendre à des averses localement orageuses demain. En Aquitaine, les pluies reviendront demain après-midi. Le temps sera quand même plus sec en Occitanie avec des éclaircies, les averses se cantonnant au relief. Et température en baisse. Oui, malgré cette baisse, les régions du sud auront des maximales assez douces. 22 degrés à Lyon, 24 à Montpellier et Bordeaux, jusqu'à 26 degrés à Toulouse et Perpignan. Mais sur la moitié nord, on attend 16 degrés à Strasbourg, 17 à Brest et Rouen, 18 à Lille et Besançon et 19 degrés pour Nantes et pour Metz. Merci Sébastien. Très bon début de soirée à l'écoute de France Info, 18h. France Info, 17h, 20h, Nicolas Taillard. Toute l'info avec vous Stéphane Milhomme, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Une seconde manifestation en deux jours devant l'ambassade de France en Tunisie. La France accusée de soutenir Israël, Mathieu Galtier est sur place. Des habitants de plusieurs pays arabo-musulmans expriment plus globalement leur colère après la frappe sur un hôpital à Gaza. Il a fait au moins 471 morts. Joe Biden, lui, défend toujours Israël depuis Tel Aviv. Dans ce dossier, le président américain affirme que ce drame est dû à une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste. En France, après l'interdiction de Gérald Darmanin d'organiser des manifestations pro-palestiniennes, le Conseil d'État a tranché, nous dira Mathilde Lemaire. Les préfets devront décider au cas par cas. Fariba Adelra de retour en France. Christian Chenou nous en dit plus sur cette chercheuse franco-iranienne retenue en Iran depuis 2019. Le Rassemblement National, tout comme la France Insoumise, dépose une motion de censure. Elisabeth Borne déclenche le 49-3 pour une partie de la loi de finances. Et c'est la 13e fois depuis qu'elle est à Matignon. Et puis vous avez aimé le loto du patrimoine, vous en pincerez pour le loto de la biodiversité. Boris Sallier revient sur ce jeu destiné à favoriser des projets pour défendre l'environnement. Comment savoir ce qu'il s'est passé hier à Gaza avec cette explosion survenue dans un hôpital? Eric Biegala pour nous donner des éléments de réponse. Ce sera dans 10 minutes. Nous reviendrons aussi sur ces alertes à la bombe, aux attaques qui se multiplient en France depuis l'attentat d'Arras vendredi dernier. Et puis à 18h20, Bérangère Bonde, votre invité politique. Thomas Cazenave, le ministre délégué chargé des comptes publics, pour parler évidemment du budget. Et du 49-3 déclenché par Elisabeth Borne. Ce sera dans 20 minutes. Bienvenue. Des milliers d'Égyptiens défilent en soutien aux Palestiniens. La Turquie va décréter 3 jours de deuil national après ce drame sur l'hôpital Gazaoui et la mort d'au moins 471 personnes. Près de 5000 personnes manifestées près de l'ambassade d'Israël à Amman en Jordanie. Manifestation également à Beyrouth, à Tunis, où des milliers de Tunisiens étaient massés contre les Américains, mais aussi contre les Français et devant l'ambassade de France. Mathieu Galtier, la France accusée une fois de plus d'être un soutien à Israël. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées, la manifestation a rassemblé toutes les couches de la population. Un quinquagénaire refuse de dire son nom, comme toutes les personnes interrogées, mais il exprime volontiers sa colère. Nous, on est révoltés, arrêtons ça et donnons les droits au peuple palestinien. Il est temps qu'ils reviennent à leur terre et que ce massacre s'arrête. On est révoltés, c'est pas parce que nous sommes musulmans et arabes, c'est parce qu'on est des êtres humains. À quelques dizaines de mètres, des manifestants plus endurcis jettent des bouteilles d'eau aux policiers qui protègent l'ambassade de France. Les Tunisiens sont scandalisés par le soutien de la France à Israël, comme l'illustre ce commerçant. Le message, c'est que la France est complice de ces meurtres, de ce qui se passe à Gaza. La France, l'Amérique, l'Allemagne sont des pays maintenant qu'ils sont avec l'Israël. Tous les ambassadeurs occidentaux doivent partir. En fin d'après-midi, les familles et les personnes âgées ont commencé à se disperser. Une petite centaine de manifestants sont restés face à la police. Mathieu Galtier à Tunis pour France Info. Alors Joe Biden, lui, soutient toujours Israël après l'explosion meurtrière sur cet hôpital de Gaza. Le président américain le dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de sa visite à Tel Aviv. Il impute la frappe sur l'hôpital à une roquette hors de contrôle tirée, dit-il, par un groupe terroriste. Comme le monde entier, nous sommes en deuil après la mort de civils innocents palestiniens. J'ai été indigné et attristé par l'énorme perte de vie humaine hier à l'hôpital de Gaza. D'après les informations dont nous disposons à cette heure, il semble que cette explosion a été causée par une roquette tirée par un groupe terroriste à Gaza. Voilà, Joe Biden, il y a quelques heures maintenant depuis Tel Aviv. Elisabeth Borne, elle annonce un nouveau bilan de 24 Français morts, 7 portés disparus. La Première ministre confirme devant les sénateurs que la France a déjà rapatrié 3500 Français d'Israël. La France toujours en alerte vigilance attentat face aux risques, mais aussi en tenant compte de la situation au Proche-Orient. Évacuation d'aéroport à la mi-journée après des alertes à la bombe à l'aéroport de Lyon-Bron, rouvert depuis, comme celui de Pau, Beauvais, Bordeaux ou encore des perturbations à Toulouse et Carcassonne. Le château de Versailles, lui, a rouvert vers 15h après une nouvelle évacuation de visiteurs suite, là aussi, à une nouvelle alerte à la bombe. La troisième fois depuis samedi dernier, ces petits plaisantins qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et punis, assure le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Et on y reviendra dans 10 minutes. Le Conseil d'État saisi en référé par le comité Action Palestine. Et une semaine après les décisions de Gérald Darmanin d'interdire les manifestations pro-palestiniennes, le ministre de l'Intérieur invoquait des risques de troubles à l'ordre public. Mais le juge considère, Mathilde Lemaire, que c'est désormais au préfet de l'apprécier et au cas par cas. Oui, l'ordre de Gérald Darmanin était lapidaire il y a 5 jours. Pas de délimitation dans le temps, pas de délimitation géographique. Il ordonnait en 3 lignes au préfet, je cite, « Les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, doivent être interdites. » Point final. Le juge des référés, dans sa décision cet après-midi, parle de rédaction approximative et rappelle qu'il appartient au seul préfet d'apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif après chaque déclaration de manifestation s'il y a lieu ou non de l'interdire en fonction des risques de troubles. Impossibilité donc d'interdiction générale, nationale, systématique. Le juge précise encore, aucune interdiction ne peut être fondée uniquement sur l'ordre du ministre ou sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne. Les préfets vont devoir justifier leurs interdictions au cas par cas et la décision du Conseil d'État ouvre la possibilité que prévale la liberté de manifester et que soit autorisée certaines manifestations de soutien à la cause palestinienne. Maître Bringart, l'avocat du comité Action Palestine, parle de désaveu spectaculaire pour le ministre de l'Intérieur à qui le juge a été, je cite, obligé de rappeler le droit. Du côté du ministère que nous avons sollicité, on ne livre ce soir aucune réaction. Mathilde Lemaire du service police-justice sur France Info. Cette fois, Fariba Adelra est libre, la chercheuse détenue par le régime de Téhéran pendant 4 ans et maintenant en France. Elle a été libérée le 10 février, mais elle ne pouvait quitter l'Iran. Christian Chéneau, c'est donc la fin pour elle de 4 années très difficiles et après surtout une très forte mobilisation en France. Fariba Adelra avait été arrêtée à Téhéran avec Roland Marchal, son collègue du Centre de Recherche International de Sciences Po, le CERI, le 5 juin 2019. Lors de son procès, ses juges avaient retenu contre elle 2 chefs d'inculpation, propagande contre le système politique de la République islamique et collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Clamant son innocence depuis le début, Fariba Adelra avait mené une grève de la faim pendant 49 jours qui l'avait beaucoup affaiblie. Elle sera incarcérée à la prison d'Evin dans la section des femmes, puis assignée à résidence sous bracelet électronique et interdite de sortir au-delà d'un périmètre de 300 mètres autour de chez elle. En janvier 2022, c'est le retour à la prison d'Evin, puis elle est libérée mais interdite de quitter l'Iran. Son retour en France est un énorme soulagement pour sa famille, ses amis et ses collègues du CERI qui se sont mobilisés pendant toute sa détention. Rappelons qu'il reste encore 4 Français détenus dans les geôles iraniennes, 2 syndicalistes enseignants, Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris, 1 consultant, Louis Arnaud, et un ressortissant français dont le Quai d'Orsay refuse de donner l'identité. Christian Chéneau sur France Info et Reporters sans frontières annonce ce soir la libération du journaliste franco-afghan détenu en Afghanistan, Mortaza Bedoudi. Il était détenu depuis le 7 janvier pour ses liens avec des opposants au régime des talibans. Pour la 13e fois depuis son entrée à Matignon, Elisabeth Borne déclenche le 49-3. L'adoption d'un texte sans passer par le Parlement, faute de majorité, le but est de faire passer cette fois le projet de loi de finances, en tout cas la partie recette. Plus de 5000 amendements avaient été déposés. Alors Elisabeth Borne choisit le 49-3, ce qui fait réagir le président France Insoumise de la Commission des Finances, Éric Coquerel. On n'a même pas eu le temps de débattre sur le fond. Aucun débat, rien, pas de vote, tout simplement parce qu'ils savaient qu'ils étaient minoritaires dès l'article liminaire. Donc ce gouvernement continue à vouloir imposer au pays et à l'Assemblée ses choix budgétaires, et je trouve que ce n'est pas une façon de gouverner. Le gouvernement prive l'Assemblée de voter parce qu'il est minoritaire. En plus, il le double de manière scandaleuse d'un mépris en refusant tous les amendements qui avaient été majoritaires en commission des finances, y compris ceux qui venaient de sa majorité, enfin les plus significatifs. Donc évidemment, il faut réagir. Et la seule réaction qu'on peut avoir, c'est la motion de censure. Éric Coquerel sur France Info. Et en plus de la France Insoumise, le Rassemblement National de Marine Le Pen annonce aussi déposer sa motion de censure. La semaine prochaine, vous pourrez jouer au loto de la biodiversité à l'image du loto du patrimoine. L'initiative du gouvernement doit permettre de financer une vingtaine de projets de défense et de protection de l'environnement. Le gain potentiel, Boris Allier, c'est 30 000 euros, mais surtout pour la planète, c'est beaucoup plus. Sur les 3 euros déboursés pour ce ticket à gratter, 43 centimes seront reversés à l'Office français de la biodiversité pour financer 20 projets, parmi eux la restauration écologique de zones humides, les tourbières de la Somme. Christophe Lépine, le président du Conservatoire d'espaces naturels de la région. Ce qu'on va faire, c'est retravailler ce site pour lui redonner tout son potentiel. Refaire des roselières, à recréer des espaces de tourbe qui fonctionnent bien. Montant du chantier, près de 2 millions d'euros, dont 800 000 qui pourraient être financés grâce à ce loto. Concrètement, s'il n'y avait pas ce loto, on n'aurait pas pu faire aussi vite ce qu'on va faire là, et donc on aurait peut-être perdu énormément de patrimoine naturel. Réintroduction de rapaces dans les Alpes et les Pyrénées, restauration d'habitat pour des tortues dans le Var ou encore entretien du bocage dans l'Indre, les projets sont variés. Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la biodiversité. Le loto Mission Nature, c'est ce qui permet à chacun de découvrir la beauté de la nature. Simplement en flashant le code qui est sur le ticket de grattage, en découvrant tous les beaux projets, que ce soit de la biodiversité marine, terrestre, une espèce ou le retour de la nature en ville. Et ce loto de la biodiversité pourrait être renouvelé l'année prochaine avec d'autres projets encore à financer. Explication signée Boris Allier sur France Info. A tout de suite Stéphane Milhomme pour un point sur l'essentiel. C'est mon budget, dépenser mieux au quotidien. Une conférence France Info animée par Fanny Guinochet. Je vous donne rendez-vous le mercredi 25 octobre à Laval. Comment bien se nourrir sans se ruiner? Comment réduire sa consommation d'énergie? Comment faire des économies? Un événement France Info en partenariat avec le Courrier de la Mayenne et France Bleu Mayenne. Mercredi 25 octobre à 18h à l'Auditorium du 40 à Laval. Entrée gratuite. Infos et réservations maisondelaradioetdelamusique.fr. C'est mon budget avec EFI, numéro 1 de la rénovation énergétique en ligne. Ok, on a deux nouvelles applis à livrer ce mois-ci. Faut que je trouve du monde. La start-up de Farid conçoit des applications mobiles. Et s'il n'agrandit pas son équipe de programmeurs, il va finir par bugger. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec la fonction évaluation sur Indeed, vous pouvez choisir l'un des 20 tests de compétences pour vous aider à évaluer des candidats et les trier selon les compétences que vous recherchez. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 euros offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. France Info, 17h-20h, Nicolas Teillard. C'est tout ce qu'il faut retenir en ce début de soirée sur votre fil info, Stéphane Milhomme. Dans de nombreux pays arabo-musulmans, des milliers de manifestations expriment leur colère après la frappe sur un hôpital à Gaza. L'explosion a fait au moins 471 morts. Israéliens comme palestiniens se rejettent toujours la responsabilité. Joe Biden, lui, est depuis quelques heures à Tel Aviv. Le président américain réaffirme son soutien au gouvernement de Benjamin Netanyahou. La France surveille toujours de très près la menace terroriste. Le château de Versailles a rouvert vers 15h après une nouvelle évacuation de visiteurs. Après une nouvelle alerte à la bombe, évacuation aussi d'aéroports à la mi-journée avec là aussi des alertes. À l'aéroport de Lyon-Bron, rouvert depuis, comme ceux de Pau, Beauvais, Bordeaux, perturbations toujours à Toulouse et Carcassonne. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka est rentrée en France, la fin de 4 années de captivité en Iran. Reporters sans frontières annonce ce soir la libération du journaliste franco-afghan détenu en Afghanistan, Mortaza Behboudi. Elisabeth Borne a ressorti le 49-3, la 13e fois en 2 ans. Le gouvernement fait passer sans vote le projet de loi de finances, le volet recettes. La France Insoumise, le Rassemblement National annonce une motion de censure. Drôme et Ardèche, Gare et Hérault, toujours en vigilance orange. Météo France met en garde face au risque de pluie et inondations plus intenses depuis la mi-journée, notamment sur le département de l'Hérault. France Info. Que s'est-il passé hier soir à l'hôpital Al-Ahli de Gaza? C'est la question qui agite toutes les capitales depuis l'explosion survenue hier soir aux environs de 19h heure locale. Explosion que le Hamas attribue à un bombardement israélien quand l'armée israélienne évoque une roquette tirée de Gaza dont les débris auraient ensuite provoqué l'explosion. Thèse soutenue par les États-Unis aujourd'hui selon des données recueillies par le Pentagone. Le bilan serait en tout cas très lourd. Éric Biégala, on parle de près de 500 morts, de plus de 300 blessés, mais là aussi, précaution indispensable. Oui, oui, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Ce sont d'abord les images du lieu de l'impact du projectile qui a touché l'hôpital qui sont parlantes. Elles ont été diffusées ce matin par les Palestiniens eux-mêmes et l'on y voit le parking de l'hôpital avec une vingtaine de véhicules. 15 sont détruits par incendie, dont 3 ont manifestement reçu un choc cinétique important. La surface de ce parking ne dépasse pas les 250 mètres carrés. Les deux pelouses adjacentes sur lesquelles campaient nombre de réfugiés font également en tout dans les 300 mètres carrés, soit au total un espace d'un peu plus de 500 mètres carrés. On a du mal à imaginer que 471 personnes aient pu s'y trouver en même temps, toutes debout, et qu'elles aient été toutes tuées, parce qu'il ne semble pas y avoir eu de destruction des structures adjacentes. Les bâtiments, les auvents en métal léger, les appintis en tuiles ont à peine été touchés par l'incendie ou le souffle de l'explosion. Donc un bilan de 471 morts, comme l'annonce le Hamas, sur cette explosion, doublé dans l'incendie, c'est ce qui est donné par le ministère de la Santé, qui, faut-il le rappeler, est affilié au Hamas, même s'il n'est pas totalement impossible, semble très peu plausible. Éric, quand on n'est pas directement sur le terrain, sur place, il faut s'en remettre à des images, des éléments que l'on trouve en source ouverte, c'est-à-dire filmés ou photographiés par des journalistes professionnels, mais aussi par tous ceux qui postent ces images sur les réseaux sociaux. On appelle ça l'OSINT, l'Open Source Intelligence, ou en bon français, les renseignements en source ouverte. C'est devenu ça un outil indispensable? Oui, absolument, hein, Nicolas. L'attention des journalistes et de beaucoup de passionnés, en fait, s'est focalisée sur ces milliers d'images pendant la guerre de Syrie, donc il y a une bonne dizaine d'années déjà, et ce, à partir du moment où les reporters ne pouvaient plus s'y rendre parce qu'ils risquaient l'enlèvement systématiquement. Il s'agit donc à chaque fois de géolocaliser, de dater ces images, hein, certaines diffusées depuis hier soir autour de l'hôpital Al-Ahli datent d'il y a 6 mois, d'autres de 2022. Il faut aussi pouvoir identifier les personnes qui s'y trouvent sur ces images, à quelle unité armée sont-elles affiliées quand il s'agit d'hommes en armes, etc., etc. Alors on ne fait pas ça tout seul, il y a une petite communauté de l'OSINT très active, hein, sur X, ex-Twitter, qui recoupe les infos, géolocalise, s'y est adjoint quelques experts militaires, correspondants de guerre ou anciens militaires, spécialistes de tel ou tel type d'armement, de logistique de défense, etc. Beaucoup ont construit leur expertise en ligne en quelques années et sont devenus d'authentiques experts, comme Elliot Higgins par exemple, fondateur du site d'investigation Bellingcat, qui a conduit nombre d'enquêtes en ligne, parfaitement reconnues, et qui servent même aujourd'hui de pièce à conviction dans certaines enquêtes judiciaires, comme la destruction en vol du vol MH17 en juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine par un tir de missile russe. Une bonne partie de l'enquête a été conduite grâce à nombre d'éléments recueillis en ligne en OSINT. Et en attendant des éléments probants, Éric, cet épisode embrase le monde arabe, manifestation dans plusieurs pays. Julie Pietri, hier et encore aujourd'hui. Oui, plusieurs milliers de personnes dans les rues, manifestations à Amman, Tunis, Damas, Beyrouth, en Égypte aussi. Et que ce soit lors des cortèges d'hier ou ceux d'aujourd'hui, la ligne c'est Israël est responsable des victimes de l'hôpital. Il y a eu frappe et les démentis des autorités israéliennes n'y changent rien. Les manifestants sont convaincus. Les représentations diplomatiques d'Israël ont été et sont visées. Exemple à Amman, en Jordanie. Hier soir, des dizaines de personnes ont tenté de rentrer à l'intérieur de l'ambassade israélienne et des milliers de personnes protestent encore ce mercredi à proximité du bâtiment. Si on élargit, en Turquie, le gouvernorat d'Istanbul évoque une foule de 80 000 personnes hier soir devant le consulat israélien, avec là aussi tentative d'intrusion. Israël demande d'ailleurs à ses ressortissants de quitter la Turquie dès que possible. En Tunisie, aujourd'hui, des milliers de personnes manifestent à proximité de l'ambassade de France, cette fois, car Français et Américains sont des alliés des sionistes. C'est l'un des slogans que l'on peut entendre en ce moment. Et Julie, dans le monde arabo-musulman, plusieurs pays, qu'ils aient normalisé ou non d'ailleurs leurs relations avec Israël, accusent désormais sans détour l'État hébreu. Oui, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Maroc, Qatar, Koweït, Égypte, Arabie Saoudite, tous pointent Israël. La Jordanie également, qui a annulé un sommet prévu aujourd'hui à Amman entre le président égyptien, le roi de Jordanie, des dirigeants palestiniens et Joe Biden, le président américain qui soutient, lui, la version israélienne. En Iran maintenant, le président Raïsi, devant des milliers de manifestants rassemblés à Téhéran, a accusé aujourd'hui les États-Unis d'être complices des crimes d'Israël à Gaza. Les bombes qui tombent sur la population sont américaines, dit-il. Dans plusieurs pays, un ou plusieurs jours de deuil ont été décidés. C'est le cas en Irak, en Mauritanie, en Iran, en Turquie. Au Liban, le Hezbollah, allié du Hamas, a appelé à une journée de colère ce mercredi pour condamner le massacre d'hier soir. Julie Pietri, rédaction internationale de Radio France. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à vivre au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. France Info. 17h-20h, Nicolas Théillard. 49-3 déclenché sur le budget par Elisabeth Borne à l'Assemblée. Le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, est l'invité du 18-20 France Info. C'est avec Bérangère Bonte. Dans une minute après, un point sur l'essentiel. Votre fil info, Stéphane Milhomme. Le gouvernement écarte les amendements prolongeant la taxe exceptionnelle sur les raffineries. Total Energy avait un temps menacé de revoir sa ristourne en cas de prolongation de cette taxe. Le groupe pétrolier maintiendra bien en 2024 un plafonnement du prix de ses carburants, pas plus de 1,99 le litre et dans toutes ses stations. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, annonce un nouveau bilan de 24 Français morts, 7 disparus au Proche-Orient. La France a déjà rapatrié 3500 Français d'Israël. Débat la semaine prochaine au Parlement sur le conflit au Proche-Orient, lundi à l'Assemblée et mardi au Sénat. Pendant ce temps, le président américain Joe Biden, lui, soutient Israël après l'explosion meurtrière sur un hôpital de Gaza. Le bilan est d'au moins 471 morts, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, soutenu par le Hamas. Israéliens et Palestiniens s'accusent toujours mutuellement. L'OGC Nice suspend son joueur Youssef Attal après son poste sur le conflit Hamas-Israël. Suspension